Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. On est là. On est là, oui, mesdames, messieurs, on est là. Et c'est pas peu dire, parce que bah, figurez-vous que hors antenne, on était des vraies petites fourmis. Ça a été compliqué ce soir d'arriver à l'antenne. Alors il y a des jours comme ça, je sais pas, la technique s'en mêle et ce qui fait que gros problème technique. Et avant l'émission, on n'avait plus de souris pour contrôler, on n'avait plus de micro, on n'avait plus rien. Mais voilà, ça fonctionne et on est très heureux d'être avec vous ce soir en ce lundi soir, émission à la maison. C'est pas parce que c'est férié qu'on n'est pas là. La preuve avec Teddy. Salut Teddy. Salut Théo. Ça va, hein, t'inquiète. Hein. On est là, mais on est là. Hein. Maintenant, on est là, ouais. Mais il y a deux minutes, on était en train de... On n'était pas là. On était dans les abysses, tu sais, les couloirs techniques d'Indestar à essayer de brancher des câbles. Ouais, les méandres. Des kilomètres de câbles. Comment vas-tu, Jolan? Bah, ça va très bien. Ça va, on t'entend bien ce soir. Ah ouais, bah ouais. La technique fait des merveilles. Hein. Franchement, oui. Je veux pas dire si c'est le karma ou pas. Mais ouais, il va la recevoir. Jolan est en studio avec nous. C'est génial. Effectivement, en fait, qu'on vous raconte, ça a commencé par un câble de micro de celui de Jolan, oui, qui fonctionnait pas. Et après, c'est parti, ça a tout débranché. C'est pas moi qui manipule le câble. Hein. Non. C'est Théo, donc c'est... Le fautif, il est pas de mais moulue. Le karma veut que ça soit de la c'est faute le karma. De Jolan. Voilà. On aime bien quand c'est de la faute de Jolan. Exactement. Bon, en tout cas, on est là et Daniel est là à distance. Salut Daniel. Ouais, salut, et je me demande si je vais revenir en studio, parce qu'on sait jamais, hein. Si je suis avec le même karma, théoriquement, je vais peut-être rester à la maison. Hein. Ça fera une contre-malédiction. Bah, malédiction, ça fera... Oh pouf, peut-être. Fallait me le dire, je suis venu tout de suite. C'est ça, ça aurait marché comme par magie. Ouais. Dans tous les cas, on est très content d'être là ce soir et j'espère que vous aussi. Émission à la maison sur indestar.fr en direct et puis en podcast, hein, aussi quand vous le voulez, sur les différentes plateformes internet pour écouter cette émission spéciale bouffe ce soir. Parce qu'on, enfin, je dis spéciale bouffe, on en a fait plusieurs, hein, des émissions sur la bouffe parce qu'on aime ça. Mais ce soir, on va s'attarder sur les plats un petit peu étranges. Alors, pas forcément, je vais pas dire forcément mauvais, mais disons. Mais pas loin. Bah. Disons décalé. Donc quand c'est décalé, déjà il faut un petit peu de temps pour pouvoir l'apprécier. Ouais. Alors il y a des plats français, hein, évidemment, là-dedans, et des certaines choses. Autant on nous respecte pour notre bouffe à l'international, autant on nous déteste pour nos cuisses de grenouilles. Autant ouais. Voilà, les cuisses de grenouilles, les escargots, c'est pas partout. C'est pas ce qu'on va manger en premier en France quoi. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit la France, on se dit ah ouais mais ils ont ça aussi. Du coup je sais pas si je vais tenter. Mais il y en a les plus curieux tentent et pour certains apprécient et d'autres sont dégoûtés. Voilà, comme quand on va en Angleterre et qu'on se fait un Christmas pudding quoi. Voilà, ah, c'est... comme quand on va en Angleterre. Point. Ah, on est méchants. Non, on mais, voilà, dans tous les pays il y a des spécialités et puis il y a des choses qui sont plus ou moins à nos palais, à nos goûts européens aussi. Donc on verra ça tout au long de cette émission. Avec le quiz pour terminer, évidemment, cette question, trois possibilités de réponse à chaque fois. Daniel, toi, tu vas nous parler de quoi spécifiquement? Avant, je me pose une question. Ah. Est-ce que le quiz sera à notre palais? Je sais pas. Mais en tout cas, le quiz, je me suis dit dans l'équipe, il y en a deux qui sont des cuistots. Teddy s'est spécialisé boulangerie, mais Jolan a son certificat d'études de cuistot. Je crois que j'en prends pour mon grade ce soir. Mais non. Non, au contraire. Alors, mais la pression. Jolan, si on mange mal, ça va être de ta faute, j'ai l'impression. Je me suis dit, il y a de la pression. Ouais, enfin, il y a du niveau, il y a du level. Donc j'ai fait un quiz culinaire avec un certain level. Je me suis pas contenté de faire du niveau débutant. Mais on verra ce que ça donne à la fin de l'émission. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à minimum 23h ce soir. Et de toute façon, vous avez que ça à faire parce que vous profitez de cette soirée avec nous. Ah, voilà. Cette violence. Non, vous faites que ça de votre soirée. Ça fait pas du tout dictatorial. Non, c'est ça non. Bien, non hein. nous aussi, d'ailleurs, on fait que ça de notre soirée. Hein. Bah, exactement. C'est... Bah, en même temps, pourquoi nous. Les autres, ils feraient pas pareil. On ouais. est payé bénévolement pour le faire. Donc. Je te dis pas le chèque à la fin du mois. On est là, ouais. Exactement. Un beau chèque avec plein de zéros. Et qui est-ce que des zéros. Il n'y a que des zéros, oui. En parlant de zéros. Non, oh, non, c'est méchant. Teddy, tu veux dire. Eh ben, je sais pas, mais la prochaine musique, Aïcha, ça me parle. Khaled. Oui, mais là, c'est pas Khaled. Non, Wally. C'est une reprise. C'est Alan Wardy. Oui. Qui reprend de Khaled. Ah tu sais que c'est l'une de mes premières chansons karaoké que t'as fait alors, réussi non Non, parce qu'elle est dure en karaoké. Ouais. Mais ouais, mais bon, je t'entends souvent faire Aïcha, Aïcha. Oui. Alors je la fais, mais en karaoké, mais hein, c'est bien avec un petit peu de réverb. Si vous la faites en karaoké, mettez de la réverb. Parce que son chat, il a mal, c'est pour ça. Aïe le chat, aïe le chat. Aïcha, le chat, ouais. Mais non, c'est l'un de mes premiers souvenirs radio. Quand j'étais petit à la radio et que j'écoutais moi-même, tu vois, que je faisais le choix de la radio, et eh ben c'était l'époque de Raled et d'Aïcha, ou des poèmes de Michel avec Thierry Moïse, ou voilà. De toute mais cette là, époque-là. À la Wardy, ça doit être un peu mieux quand même. C'est très musique. Bien, mais Raled est très bien. Voilà, bon, on écoute non, un peu mieux toi. Avec la reprise sur Indestar. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Ça s'appelle comment la fille? Aïcha. Ah oui, bien joué. Bienvenue sur Indestar, bienvenue dans cette émission à la maison du lundi soir. Aujourd'hui c'est férié, vous avez peut-être profité d'un long week-end. Eh bien tant mieux. Vous aussi les garçons? D'ailleurs, on en a pas parlé de notre week-end. Bah justement, c'était la question. C'est ça qui te demande. Et ouais, du coup je vais rebondir sur cela n'est pertinent. Rebondis avec ton micro. Qu'est-ce que je voulais dire, pardon? Bah j'ai bu mon premier verre en terrasse dimanche avec mon père. D'accord, je crois que t'as bu le premier verre de ta vie. Mais... Non. Verre de jus de pamplemousse? Non, une bière. Ah, une bière. Voilà. Ok. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Avec consommer avec Jolan. Si c'est bon. ouais, une petite bière. Il y avait, par contre, c'était bondé de monde. J'étais vachement surpris pour un dimanche sur le Centre-Val de Loire. Je pense que c'était pas trop. Je vais y arriver. C'était bondé de monde un dimanche. Bah un peu partout, malheureusement. Alors, je dis malheureusement, non, on a tous profité. Enfin, si, malheureusement. Pas moi personnellement, mais on a été beaucoup à profiter de ces moments. Mais c'est vrai que tout le monde en même temps, c'est pas très Covid friendly hein, pour le coup. Ouais. Donc, faut faire. Ah non, c'est fuck Covid, j'y vais. Puis voilà. Non, mais voilà, faut faire. Le pire, faire c'est apparemment, avec... c'est à Tours. Hein, c'est ah bah, à Tours, bah, enfin, les grandes villes, ouais, c'était compliqué. T'es dit ton week-end. Oh bah, toi, t'as pas vu la différence. T'étais au travail, toi. Si. J'ai pas travaillé Quoi? J'ai travaillé dimanche. Bah oui. Ah oui, j'ai travaillé dimanche. J'ai travaillé l'après-midi, je crois, non? C'est quoi un bon jeu qui travaille pas? Ça va pas, ça? Bah ouais, c'est ça. Ah bah je travaille qu'un dimanche sur deux, vu qu'on est deux. Donc ça c'est l'avantage. Mais ouais, je travaillais dimanche matin, donc effectivement j'ai beaucoup de différence, que dalle. Et, par contre l'après-midi, petite surprise, c'était la Saint-Didier. Peut-être. Ouais. Vous êtes content de le savoir. Et alors? Et mon père s'appelle Didier. Ah. Donc il nous avait dit de venir chez lui, enfin chez mes parents. À la campagne. À la campagne. Et d'aller à son ancien boulot, donc qui s'appelle la réserve de Beaumarchais. C'est à Autrèche. C'est un petit parc animalier. Promotion. Oui. Placement de produits. Bah en même temps, ils ont été partenaires avec nous. En même temps. Oui. Ils nous ont offert des places. Et peut-être qu'un jour, on refera gagner des places sur Indestar. Parce qu'il y a des millions de gens qui le safari train qui te permet de safari train. Ouais non, c'était un mélange entre train et train et qui te permet d'aller voir des animaux c'est en forêt. C'est ça, t'as une petite balade en train pour te balader dans les parcs où effectivement il y a des animaux. Il y a même le brame du cerf quand c'est la saison. Il y a les brames du cerf quand c'est la saison. Voilà. Là c'est la saison des autres. Le train avec des rails, le vrai train avec des rails. Le non, pire, c'est un rail, c'est un train sans rail. Ah, c'est un train sans rail. Il déraille. C'est un train tout terrain. Ah, en fait. C'est un train, d'accord. C'est un train avec des pneus. Donc tu as fait le safari train. J'ai fait safari train avec. Que tu connais, que t'as fait 10 millions de fois déjà. On est d'accord. Ouais, exactement. Donc bon, c'était marrant. Je pouvais apprendre des choses avec. Ah, c'est salaud. En plus, il y avait mon père. Alors c'est pas mieux. Tu as conduit le train ou pas? Tu jetais du pain aux animaux? Non, je jetais pas du pain aux animaux. Le pain, non, tu le jettes pas, c'est non, vrai. Non, oh, d'accord. Non, bah, n'empêche, petite blague à part, enfin, c'est même pas une blague. Dans la boulangerie, vous savez, il y a des trancheuses à pain. Oui, ça tranche du pain. Oui, bah, c'est comme son nom l'indique. Bravo. Je récupère les miettes du bac de la trancheuse pour les donner à des poules. Ouais. Ah. Les poules que tu engraisses. Et que tu pourras manger pour par exemple faire une poule. Théoriquement, oui, mais je ne les mange pas. Ou des choses comme ça, enfin des plats typiquement français dont on va parler dans cette émission. Oui. Mais je ne les mange pas. En fait, c'est un mets de luxe pour les poules. Parce que même les poules ont le droit d'avoir un mets de luxe. Ouais. Tu vois, il y en a des gens, ils donnent les croûtons de pain comme ça directement. Bah, moi je donne les miettes, tu vois. C'est plus simple à manger. Est-ce que c'est du pain biologique? Mais bien sûr. Attention, c'est le pain à Teddy qu'elle mange, hein. C'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup plus noble venant de. Ah, de bah ouais, hein, c'est vraiment VIP quoi, c'est des poules de luxe. Royal Teddy Spain. Ouais. Great. Voilà, donc à part ça, non. Je sais pas si je dois le dire ça aussi. Je sais pas. Je suis passé par la case. J'ai été faire des courses. Oui. Après le Covid là, donc quand ça a tout rouvert et tout. Ah oui, parce que ça a rouvert depuis un moment. Ouais, ah oui, non mais je me dis pendant 6 mois t'as pas fait de courses. Moi personnellement, si, de temps en temps. Oui, quand mais même, que... tu pouvais pas acheter ce que tu voulais. Non. Là, j'ai vraiment, enfin là, j'ai été dans un espace, ouais. L'espace multimédia d'un certain magasin qui s'appelle ouais. E et qui finit par Claire. Édouard, je pense. Édouard, voilà. C'est Édouard. Édouard Claire. Ouais. non, mais. Bah, dans cet espace multimédia, j'ai pu acheter des jeux vidéo. Ah, chose qu'on pouvait c'est pas, ça qui te manquait, oui, d'accord. On pouvait acheter à certains endroits, ouais. Comme Videogame, à Tours. Mmh. Enfin, ça dépend. Mmh. Et ben là, j'ai acheté... Dynamite Game, t'as voulu dire. Dynamite Game. Oh, putain, j'ai dit son concurrent. Julien, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Bravo, bravo. j'ai pu racheter des jeux vidéo. J'ai acheté le dernier Subnautica Below Zero. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté un autre jeu. T'as pas oublié. Monster Hunter, non? Non, Cyberpunk 2077. Ah, oui, ouais, qui était en promo. Qui était en promo en plus, génial. J'ai eu à 30 euros au lieu de bah, 60. Les bonnes affaires de Teddy. Ouais, c'est bon. Allez à Edouard Claire. En ce moment, profitez d'une remise exceptionnelle sur tous nos produits. C'est bien, on veut pas de placement de produits. Non, pas du tout. Et voilà, dites voilà. Que vous venez de la part de Teddy, ça marchera peut-être. Exactement. Peut-être, moins 30% grâce au code promo Teddy. T-E-D-I. En sachant que je l'avais vu dans le bac des jeux d'occasion. Ouais. Il t'a 40 boules d'occasion. Ah, dans ah, le ouais. même magasin. Ah, il est plus cher en occasion en neuf. Ouais, ah, en occasion. Ouais, c'est pour ça j'ai été voir le vendeur par souci de. Oui, par tu principe. Je t'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas anguille sur roche? Quelle est la couille dans le pâté? Ouais. Eh ben, il n'y en avait pas. Il m'a dit, ça arrive et t'as. Bah, prenez quoi. Je, bah bien sûr. Okay. Je m'en vais. Voilà. Bon. C'est donc c'est ça c'était les anecdotes du week-end. Sinon je geek tout le temps hein, pour le coup. Bah maintenant que t'as voilà. vu la vidéo, on imagine. Ah c'est à fond là. On imagine. Bon alors ce soir on parle bouffe quand même. Ouais. Parce que c'est le sujet principal de cette émission. Et avec toi Jolan, on va parler. Bon on va commencer par le début. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin? On prend son petit déj. Son petit déjeuner. Voilà. Ouais. Et mais sauf que il y a des pays parce que nous. Enfin vous prenez quoi les gars au petit déj? Alors, soit de la brioche Nutella, soit des pains au lait Nutella, ouais. Soit des tartines Nutella. Il y a du Nutella. Soit des céréales. Et avec du céréales et du lait. Non, non, non, il n'y a pas de Nutella. Et tu travailles dans Vita Conso et tu prends du Nutella. Ah bah oui. Mais oui, bien sûr. C'est si représente. La base. Nutella friendly. J'avais juste envie de te Jolan, toi, petit déj. Moi, je quand j'en ai, c'est céréales, lait. Et sinon, une tasse de café le matin. Et puis je mange rien habituellement. D'accord. Et toi, Daniel? Moi, il y a toujours jus de fruits ou fruits, puis le reste, ça dépend, soit de ce qu'il y a ou de l'envie. Ok. Ouais, c'est pas faux, jus de fruits aussi, je le mets dedans aussi. Bah, j'ai le jus de fruits, ça passe pas le matin. Ah ouais? Non. Ok. Moi, ça passe. Ouais, bah oui, moi, ça passe complètement, en fait. Moi, tout c'est, le temps. C'est jus de fruits le matin, surtout pas de lait, parce que ça passe jamais, même le matin, l'après-midi, le soir. Mais ouais, jus de fruits, et puis je suis de la team Teddy, c'est-à-dire, ouais, brioche Nutella, gâteau Nutella, ou... quoi que ce soit, Nutella. Chocolat, comme dirait un Mathieu X Nutella. La team Teddy a droit au pain au chocolat, je te rappelle. Oui, bah, ouais. Mais pain au chocolat au Nutella. Je trouve qu'il n'y a pas assez de chocolat dans le pain au chocolat. Voilà, c'est une petite remarque personnelle. J'adorais manger les barres de chocolat quand je faisais pain au chocolat. Ah oui, les. Ah ouais, ça doit être sympa, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et t'as déjà fait des pains au chocolat avec plus de barres de chocolat que non. Habituellement parce mais que j'ai pas le droit de les vendre. L'économie, ils en mettent deux normalement. C'est pas une économie, c'est juste la tradition, parce ouais. qu'ils pourraient très bien en mettre plus en vrai. Mais c'est juste le traditionnel, c'est deux barres. Alors des fois, j'ai déjà vu des pains au chocolat avec des erreurs, avec deux barres de chocolat collées et une en plus. Enfin, en gros, ouais. ça fait trois. Ouais. Et moi, je me suis amusé à en mettre plusieurs. Ouais. Dans chaque pli, en fait, je me suis amusé à faire une grande bande de pâtes. Ça doit être meilleur. C'est bon. Bah ouais. Je sais pas. Mais c'est pas vendable. Bah si. Le maxi pain choc. Mais le vrai maxi pain choc. Moi je te l'achète hein, bah oui, aucun souci. 5 euros. Bon alors le petit déj Jolan, dans tous les pays on mange pas forcément des trucs avec du Nutella. Des cornflakes. Ça peut être surprenant d'ailleurs, ouais. Dans certains pays ouais. Donc là on va partir un peu dans en Amérique du Sud si je dis pas de conneries, à Cuba. Bah je sais pas moi je c'est toi qui as ton sujet. Oui, non mais j'ai du mal avec la géographie tu vois. Ce sont les Caraïbes. Hein. Du coup on va partir à Cuba, on va parler de leur déjeuner traditionnel. Je sais pas comment ils appellent les gens qui habitent à Cuba. Les Cubains. Les Cubains, ah bah oui. Les Cubors. Non, les Cubains, bah du coup, apparemment, leurs déjeuners sont très exotiques, donc il y a beaucoup de fruits, donc des fruits frais. En même temps, vu où ils habitent. Ouais, donc ils ont des super jus d'orange. Ils mangent des fruits à Cuba Oui, bah oui. Bah pas que de la drogue. Non. Oh, ça c'est cliché ça. Cliché, bah ouais, exactement. Ils mangent des fruits, ils ont des fruits frais, des jus de toutes sortes. De pamplemousse aussi. Bye. Non, ils ont pas de pamplemousse. Il y a un truc que j'adore aussi, que j'ai déjà mangé, ils mangent des bananes plantain frites. Ah ouais, si c'est pas mal. C'est super bon. Banane plantain, ouais, j'aime bien. Parce que les bananes plantain toutes seules, c'est dégueulasse. Oui. Ah bah non, mais faut vraiment les cuire. Hein, et puis aussi, bah, il y a un peu de français hein, dans le déjeuner. Il y a de l'omelette. Tu manges des français ? Non, il y a un peu de français. J'y vais comprendre. Il y a de l'omelette, j'y arrivais, et du fromage. Alors, autant l'omelette ça peut être français, autant l'omelette au petit-déj, c'est pas très français. Ouais, non, c'est ça. Ça reste, oui, ça reste. Il y a un peu de français, mais décalé. Tu sais, je mange du pied de veau, c'est français, mais pas au petit-déj. Il y a un peu de français, il y a du fromage. Quoi. Ouais, il y a du fromage. Voilà. Ça, ah oui, ah, c'est pour côté fromage. Hein. Voilà. Ah, mais pas le matin non plus, voilà le fromage perso. Voilà ce qu'on mange à Cuba. Ok. Donc maintenant, on va faire un petit détour, on va partir en Chine. Ouais. C'est un petit détour vers bah, c'est à dire que c'est toi c'est qui paye le voyage. À l'opposé. Oui, c'est complètement à l'opposé. J'étais en train de réfléchir. Ouais. Ouais. Donc, si, par exemple, si vous prenez le dimanche matin dans les quartiers chinois, ouais. Ce qui peut pas trop arriver pour l'instant parce qu'on n'a pas trop. Enfin, on a des contraintes pour voyager. Mais vous trouverez des familles qui vont se jeter sur un plat qui s'appelle. Alors, désolé si je le prononce mal. Ça s'appelle le dim sum. Et. Ah ouais, là c'est. En fait, si vous voulez, c'est du gâteau de riz. Oui, ah, c'est mieux comme ça. Et du riz cantonais aussi. Ils mangent beaucoup de pâtisseries, donc j'ai pas le nom des pâtisseries, par contre. Mais ils mangent des nouilles et des frites à la poêle. Au petit-déj ? Non, des nouilles frites à la poêle, pardon, je me suis trompé. Ah oui. Et voilà, et ils mangent des pâtisseries le matin. Ah, c'est donc, les fameuses nouilles chinoises, en ouais, fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des nouilles chinoises. Ils les mangent à tout l'air. En fait, le petit-déj, c'est un repas pour. En fait, j'ai regardé, j'aurais pu mettre plus de choses, mais les Chinois, ils mangent beaucoup. Enfin. Bah, ils mangent, en fait. C'est un repas, quoi. Mais nous aussi, c'est un repas. Mais c'est pas. Mais nous, c'est. C'est un repas différent. Des autres. Nous, il est sucré. Genre, les petits déjeuners, les goûters, chez nous, il est sucré. Ils sont sucrés alors que le reste, on a du salé, du sucré. Ouais. Alors que là, on est sur du salé. On n'est que sur du salé, il n'y a pas de sucré. Mmh. Du coup, c'est très lourd comme déjeuner et ça peut être perturbant pour nous. Leur dessert, c'est les œufs de 100 ans. Les quoi ? Les œufs de 100 ans. Ah ouais, je vais en parler, ça. Les œufs de 100 ans. On se regarde pour plus tard. J'ai une petite anecdote sur la Chine. Oui, je suis tout oui. Ça sent la blague vaseuse. On mange chinois ou chez toi ? Il y a personne qui parle de la Chine, là, si j'ai pas fait attention. Non, vas-y, tu seras idiopathe. Non, c'était dans les années 80, et j'ai deux collègues qui sont partis en Chine pour pas faire pour travailler, ils sont restés un mois. Ouais. Comme ça se passait bien, bon, déjà, ils nous ont dit au retour, déjà, ils ont eu du mal à s'habituer à la nourriture. Ah bah, ouais. Non. Alors, on comprend pourquoi, d'ailleurs, hein. Puis un soir, ils voient les Chinois leur servir un plat. Les Chinois étaient hyper heureux de leur servir le plat. Mmh. Ils voient arriver une masse plus ou moins translucide, je crois. Enfin, les souvenirs sont pas très précis là-dessus. Puis ils commencent à manger. Ils n'ont pas pu le manger. Ah ouais ? Les Chinois, ils ont été, ils étaient déçus parce que ça se passait bien et pour eux, ils leur faisaient un gros cadeau. Mmh. Et donc après, ils ont demandé ce que c'était. Ouais. Ouais. Alors, c'était un produit de la mer. Nous, on ne mange pas du tout. Une méduse. En fait, c'était de la méduse. Ah ouais. Ah oui, c'est spécial, ouais. Bah, ça doit être un peu mou, ouais. Non, mais il la mange vivante en plus, je crois, la mer. Ah, c'est comme les huîtres. Elle devait être morte vu qu'elle respire pas très bien dans l'eau. Enfin, hors de l'eau. Non, mais j'ai perdu un peu les détails là-dessus. Mais ce que je me rappelle, c'est que les Chinois, sur le coup, ont été déçus. Ils ont montré qu'ils étaient déçus. Quand ils les ont vus derrière, ils se sont jetés sur le plat pour tout manger parce que chez eux, c'est vraiment un mets de choix. Mmh. C'est une autre culture. Ouais, on va. Voilà. Nous ne jugeons point, mais nous regardons avec des gros yeux. Écarquillés, genre, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je dirais même que nous les regardons médusés. Oh, non. Oh là. Bon. Passons à la suite. La fatigue, les problèmes techniques, ça te met en forme, toi. Toujours. On va reprendre l'avion pour aller du coup en Iran cette fois-ci. Ouais. Je sais pas si. Je sais pas si prendre l'avion pour aller en Iran, c'est la bonne idée. On n'est plus là. On a voulu y aller, mais on n'est plus. Oui, bon, on s'est fait tirer dessus au passage. Ça reste une zone un peu. Mais compliquée. C'est normal, on s'y rend. Oh, oui. On s'y rend, mais on revient pas. Chacun son tour. Si vous avez dusé, maintenant. Chacun son tour au niveau des vannes. Comment ça se passe le petit-déj en Iran, donc ça se passe mal. Ça se passe très bien. Il mange. Il y a un peu de plomb, un peu de charcutel. C'est méchant. On devrait pas rire de ça. Ouais, on rigole pas trop de ça. Les pauvres iraniens. Bah non, mais. Bon. Qu'est-ce que du coup j'ai perdu le fil. Qu'est-ce qu'il mange au petit déj? Au petit déj, parce qu'il il mange du galette de pain appelée la vache. La vache. Mais ils se sont trompés là. Sans déconner. Ouais, ça se peut. La vache ou sangak. Je sais pas s'il y a un accent à la vache ou sangak. D'accord. Mais c'est deux. Ça s'appelle la vache. Ouais. Et c'est une galette de pain. Le petit accent iranien, parce que je sais pas. La vache. Je sais pas comment on fait, mais et puis bon, ils ont aussi du, je vais y arriver, du fromage. D'ailleurs, j'étais surpris parce qu'ils. Qu'ils mettent avec leur galette de pain. Mmh. Ah, ils ont du fromage qui s'appelle, qui ressemble à la feta. Je vais y arriver. Ah ouais, c'est pas du vrai fromage. Ils ont également du beurre et du thé sucré. Ouais. Qui s'appelle aussi, qui est nommé le gouli rassouli. Le gouli gouli. Le gouli rassouli. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. C'est un peu. Tous les matins, ils font gouli gouli. Donc ouais. Les Irans, ils mangent un petit déj, si on compare à la Chine, un peu plus sucré. Ouais. Bah, un peu plus léger aussi. Un peu plus léger. Tu vois, pain, fromage, oui. Petit thé. Hop, voilà, ça y est, t'as ton petit truc. Ouais, c'est un peu plus soft que la Chine, effectivement. Allez, on va passer du coup en Argentine. Ouais. J'y suis jamais allé, mais c'est un très beau pays apparemment. Oui. En Argentine, ils mangent très sucré par contre, mais avec une petite touche de douceur parce que bon. Avec un peu de sucre glace sur leur sucre. Non, mais ils en mettent attention. Sur leur poulet. Plus joli en effet. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils mangent des. Mangez plus sucré, t'en étais là. Ils mangent des crêpes avec du sirop. Oh, des pancakes. Le sirop qu'ils aiment beaucoup, ça s'appelle, d'ailleurs j'ai eu du mal à comprendre en quoi c'était fait, ça s'appelle la douce de lèche. C'est assez spécial. La dulce de leche. Ça fait un peu italien, ouais. Ouais, mais quand on le prononce comme ça, oui. C'est simplement de la confiture du lait et du sucre qui rajoute en plus. Ah oui, d'accord, OK. Donc c'est de la confiture de lait. Oui, pour le coup, ouais, oui. Mais c'est bien sucré. Eh, parce que, ils te mettent du lait sucré sur des crêpes. Ouais, non, mais c'est de la confiture de lait, ça existe même par chez nous. Bah oui, c'est mais sur les crêpes, pardon. Bah oui, c'est déjà du lait avec. Ouais, mais c'est bon la confiture de lait, ça ressemble un peu à une crème caramel. Ah, c'est bizarre, c'est... C'est génial. C'est un peu gélatineux. Non, c'est l'une des seules confitures que je mange avec cuillère, quoi. Ah ouais. Ouais, parce que ça ressemble pas à la confiture. Justement, moi je fais une chose avec la confiture de lait, je parfume avec du chocolat et puis je mets des noisettes que j'ai fait. Un peu grillé. Il se fait son propre Nutella en fait. Ce qui fait que ça fait un peu du Nutella en effet. Wow. Donc voilà, Teddy, tu pourras faire ton Nutella maison à base de confiture de lait. Certes, j'y penserai. Et puis pour le. Ça, c'est super bon, j'en ai fait des fois, là ça fait peut-être 2-3 ans que j'en ai pas fait. Mm. C'est vrai que c'était super bon, ça me revient à l'esprit ça, que Jolin en parle. Ok. Cool. Bah, pour le. C'est le tuto Daniel. Pour le dernier pays, pardon, j'y arrive. On va repartir en Asie. J'ai pensé à toi, Teddy. On n'aurait pas pu faire une. Non, ça nous aurait économisé un plein, oui, Jolan. Tu fais. La pollution. La consommation avec le kérosène, c'est pas du tout. Voilà. L'empreinte carbone, c'est ce qu'elle est en train de prendre. Hein. Exactement, t'es pas très. On va partir au Japon. Moi, c'est un voyage que j'ai envie de faire. Ouais. J'aimerais le regard bien organisé plus tard, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Bah, ils mangent du poisson. Ouais, et au petit déjeuner, bah, ils mangent du riz. Ah ouais, encore. En Asie, comme on en parlait en off tout à l'heure, c'est l'ingrédient principal. Ils sont pas très petits déj sucrés non plus. Mais c'est bien chargé quand même. C'est ouais, bah c'est un plat. C'est comme nous, c'est un repas. Ils vont manger du poisson et de la soupe de miso que j'ai pu manger. Ah ouais, la soupe. J'ai trouvé très très bon d'ailleurs. Ouais. Super bon. Mais en même temps, c'est la seule soupe en Asie que j'avais. Parce que c'était le truc le moins piquant en fait. Ouais, j'avais gentiment critiqué. C'est pas un reproche, mais c'est vrai que quand on va à un resto. Asiatique, en règle générale, on n'y va pas pour le dessert, quoi. Et c'est même pas une critique, mais oui, c'est. Ouais, non, pour ce qui est sucré, c'est tu pas vois. Leur spécialité. Non. Hein. Non. Je dirais même la sauce chose à sucrer, c'est peut-être même. Si ça se trouve, parce que je sais pas, mais si ça se trouve, c'est même pas eux qui sont même pas au courant que ça existe. Il y a quasiment pas de sucre dans leur pas, même mis à part dans les desserts. Non, c'est. Ouais. Eux, ils s'en foutent le poisson. Riz. Ouais. Bah, c'est salé, théoriquement. Oui. Pour conclure mon sujet, moi ce que je voulais vous dire c'est. Manger des complexes. Est-ce que vous êtes plus team sucré ou salé le matin c'est, qu'est-ce que vous... Bah, je pense qu'on a répondu à la question oui, au début du oui, sujet, au début, du coup. Je sais, mais. Team Nutella est-ce que ça vous surprendrait de manger ce genre de déjeuner, par exemple? Bah, parce que c'est vrai qu'on n'a pas. On n'a pas parlé de l'Angleterre non plus, mais oui, eux c'est salé. Le petit déj anglais, c'est salé, pareil. Ouais. Voilà, bacon, on le connaît. Moi, le brunch. J'adore le petit déj anglais, ouais. C'est super bon. Bah pas moi. Ah ouais. Bah ouais, mais faut le manger à 11h, tu vois. Genre t'as pas mangé le petit déj et tu le manges à 11h, ça fait un brunch pour nous. En fait, c'est pour eux, c'est normal. Mais par contre, Il y a aussi ça dans la France profonde, la vieille France, tu vois. La vieille France. Les Français de 60, 80 et tout ça. Oui. Ils avaient aussi pour habitude, pour certains, de ne pas prendre de petit déj sucré comme nous on le connaît. C'est vrai. Ils avaient pour habitude de manger, bon, je sais pas, du saucisson, ouais. du. J'avais un pote qui le matin. Pâté, dans le café. J'ai fait, hein. Bah ouais, ça m'étonne même, pote. Non, mais j'avais un pote qui avait l'habitude, s'il y avait un reste de tartiflette, etc., le matin, pauvre, tartiflette, quoi. Bah moi j'avais mon père qui faisait ça. Ouais. Et ouais, bah il mangeait, je sais pas, pied de porc, trip, n'importe, au petit-déj, pareil que. Comme le midi. Tu vois, c'est pas choquant. Moi, dans le nord, ça doit être dans le nord et l'est de la France, il y a encore des régions, au lieu de faire une tartine de pain beurré, ils font une tartine avec du saindoux. Excellent. Moi pour ma part tu parlais de ton pote là qui pouvait manger le reste de tartiflette. Moi ça m'arrive souvent de manger de la pizza froide le lendemain matin. Mais ça c'est pour finir le reste, ça c'est non, c'est une autre optique. Non, c'est pas pour finir le reste, c'est juste que c'était mon kiff, j'ai préféré ça. Tu vois, moi j'ai du mal le matin, faut que ça soit un truc. C'est soit je mange pas, parce que en vrai ça m'arrive rarement de manger le matin. Mais si je mange, ouais, c'est quelque chose de sucré. Mais bon, c'est tu. Plus team sucré, vous deux. Encore une fois, c'est qu'une question d'habitude, hein, parce que qu'est-ce qui nous empêche de manger le salé le matin? Rien, c'est juste. Voilà, ça m'attire moins le matin, j'avoue, mais. La flemme de faire le corps scout. C'est plus facile de sortir le Nutella sur la pizza. Oui, c'est pas faux. Il y a aussi de ça, ouais. Mais après, il y en a qui font des vrais petits déjeuners, voilà, et qui. À la française, avec le pain au chocolat acheté à la boulangerie le matin où tu t'es levé une heure plus tôt pour préparer. T'as le jus d'orange pressé, parce que c'est. Ouais, c'est vrai que déjà, le fait d'aller. Bah, c'est satisfaisant, c'est bien, mais tu vas pas le faire tous les jours. Hein. C'est ça, rien que le fait d'aller, et ça c'est typiquement français, d'aller à la boulangerie le matin avant de prendre son petit déjeuner. Ça c'est le dimanche, tu vois. Moi je peux pas, moi. Ah ouais, hein. Bah si, moi le dimanche. C'est que t'arrives pas à te lever, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que quand je me lève, tu vois, j'ai pas envie de m'embêter. Ouais. Aller à la boulangerie, de faire la queue, de prendre mon petit déjeuner. Ça me fait un peu chier aussi, moi. Bah juste, je prends mon petit déj, et puis après on verra. Et à la limite, je vais à la boulangerie pour le midi, tu vois. Mais. Ah non, moi ça m'arrive assez souvent, le dimanche, d'aller le matin. C'est normal d'aller la boulangerie quand même, hein, c'est pas faux. Alors un dimanche sur deux c'est normal, mais un dimanche sur deux, enfin un autre dimanche sur deux, je suis pas obligé d'y aller. Mais il y va quand même, parce que l'appel du métier est plus fort. Ou alors j'envoie quelqu'un, tu vois. Va chercher les croissants pain choc, on a tous connu ça. Le gamin. Et comme ça tu prépares ton petit déj, mais genre tu sors tout là, tu sors les cornflakes, le lait, les jus d'orange, tu sors tout ce que t'as dans le placard et tu vas en manger, je sais pas, tu vas te faire plaisir. Tu vas y aller jusqu'à midi, ça va envoyer. Et midi, bien sûr, tu manges pas. Hein, parce que, tu manges qu'à 13h, 14h. Et du coup, pour finir, Daniel, toi, t'es plus, tu serais capable de manger du salé le matin ou plus du. Bah, de toute façon, moi, comme j'ai dit, j'en ai mangé du salé le matin. Hein. Ouais. Je suis né dans les années 60, donc c'est même arrivé quand on faisait du travail de force, parce que dans le temps, bon, t'avais pas, dans les bâtiments, t'avais par pas exemple, toutes les machines qu'on a maintenant. À 9h du mat, tu commençais à aller à 6-7h du mat, des fois en été. Ouais. Et à 9h du mat, on s'arrêtait, on faisait griller les entrecôtes, casse-croûte avec de la rillette, etc. Donc, Alors j'avais le père d'un. Pardon, Daniel. Tu disais ? Je voulais dire avec ce qu'il fallait pour arroser. Je vais pas donner de don parce qu'on n'a pas le droit, mais le copain de modération n'était pas là à l'époque. J'avais le père d'un ami qui travaillait dans une. Comment on appelle ça ? Une. Squeak là. Un squeak ? Guillotine ? Oui, mais des animaux. Ah, un abattoir ? Un abattoir. Ouais. Putain, vraiment ? Allez, on est fort, on rébure. Le truc des animaux, c'est de l'abattoir. Et il travaillait dans un abattoir et en fait, le matin. Manger de la viande ? Non, du sang. Il buvait du sang d'animaux pour quand il arrivait au travail. Tu vois, c'était de coutume, en fait, tous les employés. Coutume ? Ouais. Est-ce qu'ils ont été voir un psychologue ? Est-ce qu'ils ont conscience que. Il paraît que ça donnait des forces, tu ouais, vois. Ouais, du fer, oui, du c'est fer. Sûr. Mais... C'était quel âge ? Bah, c'est en arrivant, genre à 7h du mat, tu vois, en arrivant, paf, le petit verre de sang d'animal. Tu vois, et en route pour la journée. Quoi. T'aimes le boudin noir? Non. Ils prenaient leur coude rouge en quelque sorte. C'est oui. ça. Bah oui, mais il est rouge spécial, tu vois. Non, mais voilà. C'est un rouge spécial. Quoi, on peut tout avaler, hein. L'être humain est capable de tout avaler. On peut tout avaler et on peut tout entendre aussi. Comme de la musique par exemple. Ouais. Vous avez suivi l'Eurovision ce week-end? Non, mais tu nous en as parlé tout à l'heure et c'est les Italiens qui ont gagné. Exactement. Ouais. Et la France est deuxième et. Bravo, là. Bravo. Parce que ça fait genre 40 ans qu'on n'a pas été sur le podium. On n'est même pas dans les 20e. Voilà, parce que je crois que la dernière fois, c'était dans les années 70 où on a gagné l'Eurovision. Mais genre, je veux pas dire de bêtises, mais... Et la dernière fois deuxième, c'est il y a 20 ans, à peu près. Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai. Parce qu'on on était plutôt habitués ces dernières années à être dans la fin de classement. Donc là... On est mauvais. On est deuxième cette année, donc bravo à... J'ai oublié son prénom, comment... Barbara. Oui, Barbara Bravi... Barbie ou Bravi, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Barbie. Ou à taper Barbara. On va certainement retenir son... Pravi, je crois. Voilà. Barbara Pravi, donc deuxième. Et les Italiens qui qu'ont gagné. Avec une chanson bien rock, donc ça fait plaisir parce qu'on parlait de la mort du rock vendredi et je disais que bon bah c'était pas forcément, enfin que ça existait toujours mais que c'était pas forcément mis en avant. Mais là avec l'Eurovision, c'est une chanson rock qui a gagné. Alors ça a failli être contesté parce que il y a eu des une polémique avec le chanteur principal voilà. Qui se droguait, soupçonné d'avoir pris de la drogue en direct, enfin lors de l'événement, parce qu'il y a eu un geste voilà qui a fait, parce que sinon avant il y a pas de problème, après il y a pas de problème, mais pendant quand même. Ça dégrade l'image de l'Eurovision, mais c'est surtout que je pense que nous en tant que Français on se dit si les Italiens sont plus premiers sachant qu'on est deuxième. Elle serait nous premier. Voilà. Mais malheureusement. Et puis l'amour France-Italie, hein. C'est un peu comme au foot, hein. Si on peut les tacler, on tacle. C'est comme le coup de boule de Zidane. Mais oui. Bon, en tous les cas, l'Italie a gagné. Et il s'est avéré que il s'appelait les Maneskin, donc qui ont gagné, n'avaient pas à consommer de drogue. Hein. Il y a eu un test qui a été fait, il a été négatif. Et donc dans cette émission, puisque Indestar, c'est là où tout commence, on a un bootleg. Où on a mélangé, alors pas nous, hein, mais c'est DJ Shmoli, qui a mélangé du rock, en règle générale, avec vous allez retrouver des classiques du rock, avec ce titre de l'Eurovision de l'Italie qui a gagné. Et juste après, on a parlé des petits-déj, on va parler des plats qui peuvent nous sembler un peu spécial, un peu bizarre à travers le monde, mais pourtant, il y en a qui le mangent. C'est Indestar, c'est l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h, c'est lundi soir. C'est rock and roll. 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Bah oui, c'est rock, c'est on a droit de gueuler, oui. Bienvenue sur Indestar, si vous venez de débarquer, rock and roll. Même non, si c'est un peu violent, des fois. Jusqu'à 23h, c'est l'émission à la maison en ce lundi soir, et on parle nourriture. Rock and roll. Yeah. À n'importe quel moment, on a le droit de le gueuler de toute façon. N'importe quel moment. Donc, en fait, si j'ai envie de mettre du rock, tu vois, je mets ça moi. Boulangerie, pâtisserie. Ok, je m'arrête. Là, il a bien placé. Non, mais parce qu'à chaque fois, quoi. Mais toujours. Bon, donc ce soir, on parle effectivement nourriture. Et on va parler des plats qui peuvent nous sembler un petit peu chelous. Mais qui le sont. Et qui le sont certainement, mais pas forcément mais pas pour tout le monde. Ceux qui le vivent. Est-ce que voilà. c'est des plats typiquement français ou pas? Alors non, j'ai fait le tour du monde. Ah. J'ai fait comme toi, c'est-à-dire qu'on va se repayer un tour d'avion. C'est un peu plus. C'est moins coûteux, peut-être. Pas forcément. Ah ouais. Bah, si t'y penses, le caviar, c'est quand même des œufs de poisson. Ah. Oui. Pour nous, ça nous paraît bien parce que c'est un mets de luxe. Voilà, on a l'image du truc produit super cher. Mais c'est des œufs de poisson. Ouais, non, c'est, on est d'accord. C'est pour manger des œufs de poisson. C'est comme le foie gras. On pourrait débattre des heures là-dessus. Hein. C'est comme beaucoup d'aliments. Alors, mais des oies, oui, c'est discutable, effectivement. Mais là, on va commencer par la Suède parce que en Suède, il y a la neige. Ikea. Mais là, rien à voir. Il y a aussi le surtroming. Hein? Le surtroming. Il y a. Oui, il y a le sous-troming et le surtroming, tu vois. Là, c'est le surtroming. C'est une spécialité, donc, culinaire suédoise qui est à base de harengs. Bien joué, Daniel. Mais c'est des harengs qui ont fermenté pendant plusieurs mois parce qu'on s'est dit que ça serait beaucoup mieux. C'est la boîte de conserve que tu ouvres et qui pue la mort. Déjà, c'est pire parce que boîte de conserve, le fait d'une boîte de conserve, c'est ça conserve. Alors que là, on les a fait fermenter. Oui, mais j'ai déjà vu des vidéos qu'on ouvre des boîtes de conserve de poissons. Les mecs, ils vomissent ça. Et ouais, même qu'à l'odeur. Ouais, c'est ça. Ils supportent pas. Ça doit être ça. C'est réputé pour être un des plats les plus malodorants de la planète. Si je ne m'abuse, le hareng, ça pue de base. Bah, déjà, de base, ça pue. Le poisson, ça n'a jamais senti trop bon la grosse. Quand tu le fais fermenter pendant des mois, ouais. c'est sûr que ça infecte. Ouais. Et tu le fais fermenter, tu le mets en boîte. Voilà. Je fais le parallèle avec le durlan, qui a rien à voir parce que c'est un fruit qui est issu d'Asie du Sud. Mais c'est pas le durlan. C'est le quoi? Le durant. Non. Ah non, c'est le durian, tiens. Oui. Oui. En plus, il y a un oui, c'est le vrai. Durian. Ça me dit quelque chose. Ça. Oui, ça ressemble à une boule piquante un peu. Ça pique pas, mais. C'est un goût ignoble. Je sais pas quel goût ça a, mais je connais ce truc parce qu'en fait, du coup, j'étais en Asie et j'ai pu croiser malheureusement ce fruit. Des gens qui le mangeaient. Il y a des gens qui mangeaient et qui, vendaient au marché. Je crois qu'il est même interdit dans leur train et métro parce que. Exactement. Dans le métro de Singapour, c'est interdit de manger du durian. Et que tu sentais cette odeur, tu savais qu'il y avait le fruit. C'est infâme l'odeur. Dans le marché, il y avait toujours l'odeur. C'est pas soutenable. Moi, je. Voilà. Mais en fait, on peut faire le parallèle au niveau de l'odeur. Ils sont un peu kiff-kiff les deux. Ah ouais? Ouais. Putain. Odeur infecte. Bon, nous avec notre ail, on a un peu léger alors. Ah bah, totalement. Rien à voir. Rien à voir. Léger, ça a pas de goût. C'est-à-dire que même notre camembert qui a fermenté des mois dans le frigo, il est moins. Avec les vers de terre. En Mongolie, il y a le jus d'œil de mouton qui est pas mal. Tu vois, un œil qu'on a pressé, clac, pour faire éclater le jus qui est à l'intérieur. Il est sorti de son orbite pour C'est assez étrange. Et tu bois. Tu manges ça. Il n'y a pas forcément de jus, normalement. Je sais pas comment ils font. Ils doivent le préparer. Non, il n'y a pas de jus. Dans le mixeur. Ouais, c'est ça, mais c'est ça le pire. Parce que je connais une personne qui est issue de Mongolie, et la tradition veut que déjà les yeux, c'est armé. De luxe. C'est pas un mets de luxe, mais c'est un quand les donnes à manger, c'est un honneur. Ah. Ouais, c'est. Alors évidemment, toi, en tant que Français, tu réfléchis à plusieurs c'est fois. C'est un honneur que tu déclines. Oui. Mais généralement, on le donne aussi aux enfants, souvent pour. Je sais pas. Voilà. D'accord. Donc, il y avait sa petite fille, elle adorait manger les yeux de mouton. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est original quand même. Je suis content, tu veux pas un pain au chocolat c'est... Et en plus, tu te dis que. Parce qu'un œil, c'est relativement petit quand même. Non, pas c'est des moutons. Non, ça des ils sont assez gros. Ouais, mais. C'est un gros calot. Par rapport à la taille des moutons. Ouais. Il te faut, si tu veux consommer ce mets et t'en faire ton repas principal parce que t'aimes ça. Ah oui, il faut beaucoup d'œil. Moutons pour peu de choses. Il doit en manger très peu du coup. Ça doit être deux. C'est ça. C'est vrai, c'est vraiment le truc de luxe. En principe, quoi. C'est deux, ouais. Ouais, il tue un seul mouton, ça en fait un petit moment. Non, on va dire parce que ça me dégoûte ce truc. Ouais, non, moi aussi, ouais, ça me donne des nausées, moi aussi. En Sardaigne, il y a le Kazou Marzou. C'est quoi ça? J'aime bien le nom. Attends, c'est pas chez nous, ça, la Sardaigne? Oui. C'est un fromage qui est fermenté. Et pour pousser le fromage au stade ultime, on insère délibérément des larves de mouches dans le fromage. Oh. Des larves de mouches, tu vois. Donc des mouches, oui, ça, à la base, c'est dégueulasse. Oui, mais ça fait des petits vers blancs. Oui. C'est. On a rien inventé avec notre c'est, camembert. C'est très protéiné, apparemment. C'est évidemment très protéiné, ça devient tout super mou. Il y a même du liquide qui en sort. Et le fun fact là-dedans, c'est que quand les larves sont dérangées dans leur petite tâche, forcément quand tu le manges, elles peuvent sauter à plus de 15 cm, donc il est conseillé de porter des lunettes de protection quand tu dégustes. C'est dégueulasse. Ça peut sauter dans ton œil, quoi. Ça peut te sauter sur le visage. Et après, ça rentre dans ton œil. Ah. Et là, t'as du jus d'œil. Horrible. Bah. C'est horrible. Ça donne pas envie. Ah non. Vraiment, je sais pas comment c'est quoi du coup. C'est du fromage avec des larves. Le Kazou Marzou. En fait, c'est de quel originaire? En Sardaigne, chez nous. C'est en France, hein? Oui, bah c'est chez nous. En fait, c'est juste pour dire. Au sud de la Corse. Oui, d'accord. Ah oui, je voyais pas. On pourrait utiliser cette spécialité culinaire. Enfin, si on peut appeler ça une spécialité culinaire. Cette spécialité de Sardaigne, c'est une prévention. Ne laissez pas vos fromages trop pourrir dans votre frigo ou dehors, parce que sinon ça va vous sauter à la gueule. Être mangé ou manger. Tu peux faire manger. Ah, mais tu sais, il y a des plats comme ça que tu laisses pas dans le frigo trop longtemps, style des lasagnes ou des choses comme ça, t'as l'impression que ça va muter. Mais c'est exactement ça, là c'est fait exprès. Ah, mais là il a vraiment muté. C'est fait exprès, en plus on insère des larves de mouches dans le fromage. Quoi. Horrible. Aux Philippines. Finalement, quand tu vois le fromage sortir tout seul du frigo, là, il est bon. Sur pâte, c'est le fromage sur pâte. Il bouge tout seul le fromage. Laisse-le, il fait sa vie. Aux Philippines, il y a le balu. Donc le balu, c'est un œuf de canne fécondé qui contient le fœtus du petit. Oh non. Ce qui fait que t'as la tête, les pattes, le bec et même quelques plumes qui viennent te tenir compagnie au cœur là dans l'assiette. Un œuf de quoi? De canne? Un œuf de canne, ouais, c'est ça. Et c'est gros. Oh, c'est pas vraiment des plumes à ce stage-là. C'est, bah, c'est des débuts, c'est un duvet. Oui, voilà. Et il est trempé dans du vinaigre bouillant et du sel avant de le peler, le déguster, voilà. Et sachant que ce plat, même peut... le bec. Peut-être. Ça doit être forme cartilage, ça doit être mou. enfin un peu le mou. Le bec, c'est pour servir du cure-dent. Mais t'imagines, ouais. En fait, tu manges un mort-né, quoi. Enfin, c'est... Un fœtus. Enfin, un fœtus. Bah, hein. Si tu manges des œufs de poisson, tu sais pas. C'est... Enfin, si, ils sont pas fécondés, forcément, mais... Ouais, là c'est fécondé, quoi. Ouais. Ah, c'est ignoble. Hein. Et on peut manger ça aussi au Cambodge, en Chine, au Vietnam. Aussi. Ah ouais. Il y a une île des Caraïbes aussi, que c'est comme ça, qu'il y a je sais plus quel œuf d'oiseau qui mange comme ça, qui est fécondé. Ouais, c'est bourré de protéines. C'est peut-être le même, hein, parce que vu qu'il y a plusieurs pays, il est possible qu'il y ait ailleurs. Et là, c'est une île des Caraïbes, j'ai plus le nom en tête. C'est pas Montserrat, j'ai plus le nom, c'est pas grave. Non, on mange bien des veaux, on mange bien des marques à crin. Mais pas que... Oui, mais pas dans l'œuf. Hein. Pas dans l'œuf. Non, parce qu'il n'y a pas d'œuf. Non, mais... oui, non. Oui. Alors théoriquement, oui. Hein. Évidemment. Mais là, tu dis qu'il est à moitié fait, quoi. Ouais, enfin, c'est chaud. Hein, je sais pas. Je sais pas, moi, psychologiquement, je pourrais pas le manger. Est-ce qu'on mange. Tu sais quelle est la différence entre le fromage qu'on a vu tout à l'heure et puis l'œuf de maintenant? Non. Aucun. Les deux ont un être vivant à l'intérieur. Non, c'est que l'œuf, tu manges le canton est à moitié fait, que le fromage, il est complètement fait. C'est pas faux. C'est pas faux. Au Groenland, on a le kiviak. Le kiviak, c'est à base de pingouins fermentés dans un corps de phoque. Oh putain. C'est-à-dire qu'on fourre le corps des animaux entiers. Ah, j'avais déjà vu ça. En prenant soin d'enlever le maximum d'air. Puis on recoue. Clac, clac, clac, clac. Ensuite, on laisse la nature faire son œuf pendant 7 mois avant de le consommer pendant l'hiver lors de grands événements de type Noël. Hein, voilà, ce c'est un truc farci en fait. Ah ouais, mais c'est-à-dire que c'est fermenté quoi, c'est pareil. Oh, hein, c'est genre pendant 7 mois le truc dans le corps. Ouais, mais ça va fermenter beaucoup plus lentement que prévu. Oui. Parce que, comme tu l'as dit, c'est dans le nord. Hein, c'est... Ah oui, c'est au Groenland. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'asticots là-bas. Hein. Non. Non. Mais 7 mois de fermentation, quoi. Ouais. C'est juste... En fait, tu prends ton camembert pas du tout fermenté, enfin, genre pas fait et tout, tu l'emmènes là-bas, au bout de 7 mois, si ça se trouve, il sera même pas à peine fermenté, si ça se trouve. Quel est le con, pardon, mais qui a eu l'idée de mettre des pingouins dans un phoque, quand même? Non, mais je suis en train d'imaginer, là, en fait, de m'imager. Ils ont vu un phoque manger des pingouins. Non, techniquement, cuisinement, je sais pas comment on peut dire ça. Gustativement parlant? Non, pas techniquement, en cuisinant ça, comment c'est possible de faire ça? Genre, Ah bah, tu prends le pingouin, le fout dans le feu. Voilà. Parce que c'est plus de la technique culinaire, là, c'est de la technique de survie, je dirais. C'est de la boucherie, un peu, non? Ah bah, la boucherie, c'est de la survie pour en moi. En fait, ils savaient pas où mettre le pingouin, et c'est déjà un phoque à côté, allez, ça Parce rentre. Que si je le laisse comme ça, bah il va congeler. Ouais. Si je laisse le phoque comme ça, il va congeler. Tu sais que c'est mais si je mets l'un dans l'autre, il va peut-être pas congeler. C'est comme ça qu'on a inventé les surgelés, hein. Ouais. Non. Ouais, comme ça. J'ai une autre explication. Vas-y. J'ai cru que le phoque c'était le cheval pour emmener ses courses. Un sac en phoque. Ah ouais, j'avoue. Avec écrit What the fuck. Tu sais que j'ai mon père qui a un t-shirt qui a écrit ça. Je fais des bisous s'il m'écoute. Il est bien. En Chine, on a les blattes grillées. Alors, il y a plein d'insectes. Il y a tous les insectes grillés. Voilà, tous les insectes grillés. D'ailleurs, en parlant d'insectes, j'ai plein de petites anecdotes. Oui, t'en as mangé? Non, j'en ai vu. Il y a les tarentules frites. Si c'est, il paraît que c'est un régal pour les papilles. Mais t'as vu des gens manger des. En Thaïlande, Ouais, en Thaïlande. Mais c'est vrai que c'est assez courant. J'avais vu, ça m'avait marqué d'ailleurs, des migales frites pour l'apéro. Ah ouais, alors non, ça, alors jamais. Never. Que ce soit vivant ou mort, les araignées, c'est mort. Moi, je me suis dit, elles sont bien sur la brochette, là. Oui. Et surtout que tu sais, genre, c'est pas Koh Lanta, mais ce genre d'émission, là, un peu survie, etc. Man vs. Wild. Ouais, bah oui, non, c'est pas Man vs. Si, c'est Bear Grylls. Ouais, mais bon, c'est si obligé. C'est le meilleur. Mais des émissions un peu. Non, c'est Yar. Enfin, je sais plus comment ça s'appelait, cette émission-là. Mais genre, ils testaient les sauterelles grillées, oui, les trucs comme ça. Et dans l'ensemble, ils disaient, ça va. Par contre, tout ce qui était genre araignée, tout ça, ils disaient c'est franchement dégueu quoi. Bah ouais, enfin moi je. Ça croustille un peu trop. J'aurais même pas mangé moi, tu vois. En fait, ça croustille, c'est un liquide après. C'est... Ouais, c'est moi, ça. Tu vois, moi, liquide, moi j'ai vu les. J'y pensais là, j'ai vu les migales et je viens de m'en rappeler, mes parents ils avaient vu des rats. Ah, ils avaient coupé. Ouais, enfin ça va. Hein, il y avait plus la tête, mais tu sais, il y avait juste le corps et la queue. La queue. Du la queue. Sur oui, parce que comme ça, tu peux jouer avec. Voilà. Donc, non mais en vrai, si je dis pas de conneries, c'était bien ça. Tu vois la migale, tu vois le rat. Oui. En vrai, le rat, il a l'air appétissant. Hein. Je pense qu'en c'est vrai, sûr que cuit, ouais. Non mais clairement. On me proposerait entre le choix et la migale ou le rat, je prendrais le rat. Ouais. Il joue avec. Bah ouais. Ah, moi aussi, je prends le rat. Mais c'est des cultures assez spéciales. Hein. Mm. Alors, tu en parlais tout à l'heure, t'as dit les œufs de 100 ans en Chine. Ouais. Au nom trompeur d'ailleurs, parce que les œufs de 100 ans, ils n'ont pas 100 ans. Ouais. Voilà. Mais pour avoir l'aspect. Hein. Mais ils ont la particularité, ouais, effectivement. J'ai toujours cru, moi, qu'ils avaient l'aspect 100 et le ans, goût. Hein. Non, mais ils ont quand même macéré pendant plusieurs mois dans de l'argile, donc ce qui leur donne un aspect. En fait, le jaune devient vert, visqueux. Oh. Tu vois, et le blanc se noircit. Ça fait un peu œuf de sorcière en fait. Hein. Ça fait un peu œuf périmé, cuit. Ouais. C'est... Tu dis, on les jette. Non, non, on les mange parce que c'est. Ah, bah, c'est... Ah, si on les jette pour Halloween, je peux te dire que cela, ça va être. Ça fait... Non, mais ça fait œuf d'Halloween, ouais. En vrai. C'est ah, mais clairement, par chez nous, tu surprends la famille, là. Hein. Ouais, c'est ouf. C'est un bon point pour toi. Ils ont trouvé comment vendre les œufs périmés, dis donc. Ils sont doués, hein. Ouais. Une réutilisation. On les cuit et puis voilà. Toujours. Toujours en Asie, à Hong Kong, la soupe de serpent, qui est également nommée le tai chi. Donc c'est un plat chaud hein, qui permet d'affronter apparemment les températures basses de l'hiver et il paraît que c'est bon. Voilà, soupe de. Pareil. Bah en vrai, ça doit pas être si dégueu que ça. Hein. On mange bien des anguilles. Mmh. Bah, moi, j'ai, ah ouais non c'est pas pareil. En Guadeloupe j'ai mangé du requin. Donc, Tu peux pas comparer une anguille à un serpent. Non. Une anguille ça va plus avoir le goût de poiscaille vaseuse et tout ça. Surtout par chez nous on en mange des anguilles en plus. Ouais. Bon, je vais pas dire que c'est le goût de vase mais c'est pas loin. Non mais si clairement c'est pas loin. Bah non c'est vrai. Ouais. Tu le sens en fait parce que ça vit dans l'eau et. Oui. Tremper, nettoyer avant, oui. Voilà. Tu vois, et faut faire un effort là-dessus. Mais par contre le serpent ça vit pas spécialement dans l'eau. Ça a pas le même goût. Ça doit avoir plus un goût de viande. Je dirais pas tout à le goût de poulet, mais. Moi j'avais pas tort, à mon avis. J'avais vu un mec. Je pense pas que c'est comparant ce qui est comparable. D'accord, très bien. Pas les anguilles et les serpents. Non, mais je serais en vrai, je ne serais pas contre. Ouais, un petit bout de serpent. Allez. Par contre, faudrait pas que je voie le serpent qui ressemble à un serpent, tu vois. Il faudrait que ça soit découpé, quoi. Oh, ça soit. Il préfère l'agroalimentaire. En petite boîte découpée prête à déguster. Moi ça me choque pas trop, tu vois, le serpent, parce que j'ai mangé du requin en Guadeloupe et ça a le goût de poulet, tu vois. J'ai été très surpris. J'avais dit tout a le goût de poulet. Va dire ça au requin, il sera content. Ouais, ouais, c'est à toi de faire bouffer ça. C'est clair. Vraiment que c'était un requin poulet, tu vois. Un requin poulet. Un requin poulet, c'est une nouvelle espèce. En Corée du Sud, j'en ai deux pour terminer. En Corée du Sud, il y a le sanakji. Autrement dit, un poulpe vivant. Oh putain. Voilà, donc c'est assaisonné de graines de sésame et d'huile de sésame. Voilà, ils te le mettent ça et pouf, et. Mangez-moi pas! Alors... Un petit conseil si vous voulez y goûter, on sait jamais. Les ventouses du poulpe peuvent s'accrocher à votre gorge et vous étouffer. Donc déjà, ça doit être dégueu, mais en plus, c'est dangereux. Croquer. Ça me fait flipper ça. Croquez-le avant qu'il vous croche. Sur internet, une vidéo d'un cuistot qui préparait un poulpe. Ouais. Il le défonce le truc. Il est vivant, il prend la. Décapité, il coupe les tentacules, t'as tous les nerfs qui bougent. Et ça encore. Ouais, ça bouge encore. Ah, ouais. Moi je peux pas. Bah en même temps, comme les animaux chez nous, hein, tu coupes la tête, ça continue. Mais les ventouses, tu les croques bien si tu le manges. Mais déjà, enfin, c'est pas très intelligent de manger un animal vivant, mais bon. On va passer ce truc là. Les huîtres. Ouais, voilà, les huîtres, j'allais y venir, on mange bien ça. C'est dégueu. Oui, mais t'es pas obligé, personne t'y oblige. Oui, non, mais c'est une tradition. Non. À Noël, il faut des huîtres, mais personnellement, non. Je termine par la cria. Attends. Oui, Daniel. On est mangé du poulpe. Ah, t'as aimé ou pas? Vivant? C'est hyper bon, faut que ça soit bien préparé. C'est un réunionnais qui le faisait. Ah. Ça diminue énormément. Et un jour, t'es pas sûr qu'on te dit que c'est du bœuf et que t'es pas certain, ça peut être du poulpe. D'accord. Ok. Il y a peut-être les ventouses à la rigueur qui peuvent te faire. Bien préparé en ragoût. Ouais. Ah oui, tu le sens pas. Ouais. Mais alors pourquoi pas manger du bœuf finalement? J'avoue. Parce qu'il y en avait pas, il y avait que du poulpe. Ouais. À La Réunion, il y a beaucoup moins de bœuf que de poulpe. Ouais, par contre, chez nous, ça serait. C'est un peu plus l'inverse. Quoi. En fait, tu prépares du poulpe, mais en fait, c'est du bœuf. Ah, il est bon mon poulpe, hein. Ouais, je. Bon. Tu colles des ventouses, tu sais, ta baignoire sur la viande. Ça accroche. On termine par le cri. Ah, je vais y arriver. Le criadillas en Espagne. Ce sont des testicules de taureau. Ah, classique. Ah ouais. Que l'on peut cuisiner avec du sel, c'est du poivre, de la chapelure, un petit peu de piment. Et on le fout à la friteuse et le tour est joué. C'est des abats, quoi, concrètement. Ah bah, ça fait partie des abats. Ouais, c'est des abats. Et. Ouais, c'est pas super bon les abats. Moi, je suis pas fan. Personnellement, à part le groupe abats, sinon, j'aime pas trop. Tu l'avais préparé celle-là ou pas? Pas du tout. Mais, tu sais que pour la blague, Abbas, c'est une marque de, je crois, de conserve de poisson en Suède. Ah ouais, ils sont inspirés de ça pour le créer le groupe. Ah là là. Non, c'est les initiales des quatre membres. Oui. Et quand le producteur a vu ça, il a dit mais allez, ça passe. Il faut qu'on demande l'autorisation. Allez, au bois de conserve. La conserverie a dit tant que ça me porte pas préjudice, y a pas de problème. Bah non, c'est ça fait l'inverse, hein, ouais. Oui, ça fait l'inverse. Ils ont augmenté les ventes. Pour un CD acheté, une boîte de conserve offerte. Allez, hop, c'est bon, dans la boîte. Bah oui, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. T'es dit 5 plats français chelous. Bah même plus 5 là, on veut 3 hein, parce que 3. Bah 3 c'est déjà pas mal. Autres, hein, oui, pardonner, en même temps on a déjà bien mangé hein, pour ouais. On a fait ouais, le petit c'est bon, on a plus trop faim. Ouais. C'est vrai que ça coupe un peu l'appétit. Ouais, hein. Tu vois là, j'ai pas mangé avant de venir au studio. Mais j'ai plus trop envie de manger, tu vois. Ça m'a un peu coupé l'appétit. Indestar vous fait faire un régime ce soir. On a First to Eleven, I Wanna Dance with Somebody, la reprise maintenant sur Indestar avant Teddy et les plats français un peu bizarres. Indestar. Alors, un petit souci. Bon, sachant qu'on a commencé cette émission un peu sur les chapeaux de roue, donc forcément on n'a pas eu le temps de te contrôler. Donc on va aller chercher la reprise qu'on devait écouter, donc celle de I Wanna Dance with Somebody de First to Eleven, qui est un bon groupe de rock made in Indestar comme on les aime. On va revenir avec le sujet de Teddy, sachant que il va falloir rester jusqu'à la fin de cette émission parce que Daniel, ce soir tu vas nous parler de quoi? Sauf si vous avez envie de vomir. Hein, Daniel, c'est quoi ton sujet? Daniel? On a perdu Daniel. Il est parti aux toilettes aussi. Ah, non, j'ai pas rallumé Daniel. Ah non, non, mais le pauvre. Mais non, là, il est dans le vide. Là, on les enchaîne. Daniel, ton sujet ce soir, c'était donc. J'avais pas rallumé Daniel. On entend toujours pas Daniel. Hein. Si, si, on l'entend. C'est juste qu'il doit être loin de son micro. Daniel? Non, non, je suis là. Moi, ah, là, on t'entend. Donc, ton sujet de ce soir. En fait, il était parti aux toilettes. Moi, je vous emmène en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ben, voilà. Je suis passé par là, moi aussi. Parce qu'il n'y a que des choses bizarroïdes. Ouais, oui, je confirme. Pas que, peut-être. Mais... Sud, c'est un carrefour de plein de civilisations. Alors, anglais, néerlandais, il y a de l'asiatique. C'était indien, colonisé par les anglais aussi. De l'océan Indien, français. La culture régionale qui est principalement représentée par les Zoulous. Et donc, on a fait un mélange très intéressant. Il y a énormément de plats qui sont vraiment intéressants là-bas. Ok, on en parle dans un instant. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Une émission à la maison totalement en direct, et ça se voit ce soir. Ça se sent. Ça s'est jamais vu autant qu'aujourd'hui. Se sentent. Mais on aime bien, non, ça fait partie de la radio. Le problème, c'est que vous les connaissez pas, parce que qu'est-ce qu'ils feraient pas comme conneries pour vous montrer que c'est en direct, hein. C'est ça. En fait, tout cela a été scénarisé. C'est un sketch. Comment vendre un truc. En tout cas, ce soir, le sujet de cette soirée de lundi, on s'est dit qu'on allait pas bien manger. Pas bien manger. Alors, manger différemment, ouais, disons. Ou pas manger, hein. Non. Ou pas manger du tout, parce que ça peut nous couper l'appétit, mais parler des plats et des coutumes, us et coutumes, traditions que, voilà, qu'on trouve un petit peu bizarres en termes de culinaire dans les différents pays d'Europe et du monde entier. Donc on a parlé des petits-déj, on a parlé, on a fait un tour des plats, mais c'est vrai que si on reste en France, t'es dit... On a parlé de la sardine tout à l'heure, mais il y a encore autre chose. Chelou aussi en France, quoi. Bah ouais, genre un truc... qui avance très très lentement, qui fait un bruit du genre ça fait pas trop de bruit à part voilà, genre, et encore je suis pas sûr, c'est genre un escargot, c'est quoi. Un peu vaseux, c'est... Vous voyez ce que c'est un escargot? Bah oui, oui, c'est super bon. Franchement, déjà c'est les escargots de Bourgogne en plus, je crois qu'ils sont AOP ou un truc du genre. Ah bah... Mais qui a eu l'idée de dire tiens, ça rampe, c'est dégueulasse, c'est gluant, tiens je vais le manger, tiens. C'est vrai. Et surtout en plus les mecs ils sont emmerdés parce que genre il y a les limaces, tu vois, qui sont dans le même genre. Bah mais sans la coquille, tu te dis, ça va être moins chiant facile à cuisiner. Bah ouais. Mais non, nous, on a pris l'escargot. Truc bien casse-couille. Le truc bien casse-couille. Et en plus, les limaces, tu peux les attirer grâce à ton jardin, parce qu'il y a des repousses limaces à la con avec de la bière et tout ça. Mais des pièges, les limaces. Du coup, tu peux les attirer facilement. Et les escargots, ils n'y vont pas. Je crois pas qu'ils sont attirés par non, la même chose. Non, parce qu'en fait, les limaces, c'est comme des gens avec une toile de tente. ils peuvent aller, des nomades. Ils peuvent aller partout. Alors que les escargots, t'as la caravane à l'arrière, donc tu peux pas. Ils peuvent aller partout aussi, tu vois. Moi, je dis, c'est pas des nomades, les limaces, c'est des sans domicile fixe. Hein, pour moi. Exactement. Ils ont besoin d'un abri. Alors que les escargots, ils sont peinards. Se dire, regarde, on a une belle vue, on s'arrête ici ce soir. C'est ça. Bon, alors c'est sympa pour les escargots, mais bon, les manger, moi, cool. Tout de suite, c'est moins sympa. Hein. Enfin, personnellement, moi, je me vois pas manger un escargot. Parce que t'en manges sûr que non. Hors de question, pas des escargots. Je ne mangerai jamais avec de la mayo et tout. C'est super bon. Non, fais pas ça. Va pas gâcher de la mayo pour ça. Mais non, mais alors attends, parce que toi, on est d'accord, Daniel, tu manges des escargots aussi. J'en ai mangé, bah oui. Ça fait un certain temps. Et j'en mangerai. Bah oui, non mais bon, je veux dire, c'est vrai que pour nous Français, ça nous paraît tout à fait normal de manger des escargots. Pour un Teddy, c'est bizarre, mais même pour d'autres pays, parce que franchement, la France elle est connue pour ses spécialités culinaires légendaires et tout ça, mais elle est connue aussi pour certains plats dégueulasses, typiquement les escargots. Typiquement, bah, qui paraissent dégueulasses, effectivement, notamment par exemple pour nos amis anglais. Qui ont pourtant c'est pas parce que tu cuisines super bien que c'est forcément meilleur. Oui, mais tu vois, les Anglais qui ont pourtant des plats chelous, ils trouvent que effectivement les escargots c'est dégueulasse parce que déjà tu dois les faire, je sais pas si on appelle dégorger, mais enfin bon, t'enlèves tout le la bave, le gluant, le visqueux. C'est ça. Tu commences par ça. Alors, déjà. La technique, c'est de les faire jeûner, la technique. Ah ouais. Toi, tu les fais maigrir. Putain, tu fais maigrir des escargots. Alors, dans les Charentes, j'avais un ami qui m'avait expliqué une chose. Lui, il les nourrissait quelques jours avec de la farine qui donnait. Faut les mettre dans du riz. Les boyaux, tout ça, l'escargot était déployé. Et plus qu'à les laver. Et voilà, tu pouvais tout manger sans problème. Sans les faire. D'accord, c'est une technique comme une autre. Ouais. Mais c'est vrai que mon arrière-grand-mère, quand ma mère était petite, etc., ils aimaient bien aller voilà, dans le jardin ramasser les escargots. Ils avaient une cage à escargots, tu vois. Ouais. Et puis après, tu faisais dégorger les escargots, tout ça, et tu mangeais des escargots. Et toi, tu regardais ça et Non, mais moi j'étais pas là, j'étais pas de ce monde, mais quand ma mère était petite effectivement j'étais pas là, mais par contre c'est vrai que moi je le ferais pas forcément, mais manger genre, tu vois, en plus c'est un plat, nous on mange ça à Noël par exemple, tu vois. À Noël, hop, on a nos petits escargots, c'est tradition et ou ça à fait Noël, plaisir. Ou quand tu vas à la mer, tu vas dans des pâtes de fruits de mer et tout. Ouais, ou ça peut être aussi, ouais. Oh, mais c'est pas un fruit de mer, hein. Bah, oh, c'est considéré comme un fruit de mer. Non, c'est considéré comme un fruit de champ. Enfin, pas un fruit. Bah, c'est vrai que c'est une coquille, c'est de la famille des. Ça parce que sur les cartes de resto, c'est catégorisé fruit de mer. Donc, Ah ouais. Ah non, mais c'est. D'accord. Non mais il doit avoir une certaine forme de raison parce qu'il y a des dans la classification des animaux c'est pas un bivalve parce que ça part de coquille, mais ça doit être crustacé. Parce que les gardons sont des escargots de mer. Oui. Théoriquement oui, c'est ouais. Mais bon, c'est un poisson qui vit pas trop dans, tu vois, c'est un fruit de mer qui vit pas dans la merde. C'est ça, il vit dans le champ. C'est étonnant celui-là. Ils sont forts quand même. Un dissident. Bon. Dans toutes les formes, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez le classer où vous voulez. Pour le reste du monde, ça reste dégueulasse. Ouais. Et pour moi aussi. Et pour beaucoup de Français aussi. Mais... ça fait ça fait débat. On va dire ça. Ouais, si on veut. C'est comme pour chocolat, chocolatine, tu vois. Non, mais après, y a tout le monde aime ou n'aime pas les aliments. Mais c'est vrai qu'on est quand même une majorité de Français à aimer les escargots. Non. Si. C'est que... On fera un sondage. Y a pas besoin. On fera un sondage, tu vois. Puis même, est-ce que c'est vraiment important de manger des escargots? Est-ce que fallait vraiment manger des escargots? Est-ce que tu vois le truc rampé, tu faut te dire ah putain j'ai faim. Mais il y a plein de choses comme ça. Je suis en train d'imaginer le truc qui rampe là. Allez, tiens. Il bouffait des salades. Ah, c'est peut-être ça. Ah ouais, mais du coup, c'est manger ou être mangé. Je sais pas comment c'est venu. On a choisi manger. Je sais pas comment c'est venu, mais bon, en tout cas, ça se fait. Ouais. Ouais. Il y a d'autres choses comme ça qu'on est un peu. Les grenouilles, par exemple. Les cuisses de grenouilles. Les cuisses de grenouilles, on n'est jamais mangé, mais c'est vrai que les batraciens. Déjà, c'est considéré comme un truc avec des pustules. Enfin, souvent, c'est un truc, ça a l'air repoussant. Ouais. Alors, les grenouilles, non. Mais les cuisses de grenouilles, j'aime bien, mais par contre, c'est chiant parce que. C'est hyper petit. Non mais c'est vrai. C'est pas nourrissant. Non mais je te jure, quand t'as des cuisses de grenouille, tu passes plus de temps à lécher ton os de cuisse de grenouille, que de manger ta cuisse de grenouille. Y a rien dans une cuisse de grenouille. Te prendre mais de poulet, c'est pas. T'imagines le nombre de grenouilles que t'as bouffé juste pour faire une assiette de cuisse de grenouille. C'est ça exactement. T'as tué tout un étang. Ah, j'ai fait un génocide de grenouilles. En même temps, c'est relou les rainettes. Allez hop. Quoi? Moi aussi. C'est mignon tout plein. Dans un étang. Attends, et t'as déjà fait du camping étang, à, l'étang, ouais. À côté d'un nid de grenouille, là. Un nid de grenouille. T'as déjà vu un nid de grenouille? D'une il communauté. S'est fait. En fait, il a fait un film de, un scénario de film d'horreur. Il y avait des grenouilles carnivores qui bouffaient sa guéchoua. T'es l'été dans ta guéchoua, à côté d'une mare où t'as une communauté de grenouilles, tu vois, qui se rassemble. Une commu carrément. Et ouais, une commu, tu vois, ils sont en rassemblement faut, familial. Faut et... être mazo pour aller camper à côté d'une mare où il y a une communauté. Mais tu sais pas forcément. Tu sais, genre t'es suicidaire, tu veux mourir. Mais avant de bouffer. T'arrives en fin d'après-midi, t'es tranquille, tu vois, tu te dis ah tiens. C'est sympa, ici il y a un petit espace de verdure, à côté il y a un petit étang, c'est cool. Donc tu plantes ta tente, tranquille, tu fais ton petit barbecue là avec le feu de camp, tout ça le soir, ta guitare et voilà. Et, et là tu te couches et là, croac, et là ça arrête pas de la nuit, tu dors pas. Ça m'est déjà arrivé. Mais ouais, c'est horrible. C'est chiant. Je sais pas. Mais bon, donc là tu as envie de les bouffer. C'est là le mec qui a voulu les bouffer, c'est ce jour-là. Ouais. C'est après une nuit okay. Au camping. Ok. Il y a une raison logique. Ouais. Mais bon, ça, on reste quand même dans le terme du un peu dégueulasse. Et puis bon, ça va dans l'eau, ça va sur terre. Ça va très chiant, tu sais pas où ça va. Pourquoi tu mangerais ça? Puis ça fait croix, quoi. Ouais. Je sais pas, je suis perplexe. Perplexe. Autant ça me dégoûte moins que les escargots. Autant. Mais t'as pas goûté non plus les cuisses de grenouille? Non. Oh non, mais en je les temps, ai vus, je les ai vus. En même temps, tu goûtes à rien. Mais c'est normal, je suis pas très pour manger les animaux. C'est vrai. Oui, Daniel. J'ai pas aimé les cuisses de grenouille. Ah ouais, t'as pas aimé? Ah ouais. D'accord. Il y avait pas assez de viande. Il y avait trop d'once peut-être, oui. Qu'est-ce que les tripous? Eh ben, les tripous, c'est la suite. Les tripous, alors c'est des morceaux de triple de veau, des tripes de veau. Des tripes à la main de corps. Ouais. C'est des tripes, mais petits, donc des tripous. Ouais. C'est mignon. Ça a l'air mignon comme ça. Bah, il y a poux quand même dedans. Hein. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas avec des poux. Mais en gros, c'est des morceaux de veau coupés, enfin des morceaux de tripes de veau, mélangés avec ces morceaux de ventre. Qui s'appelle la panse pour le coup. C'est écrit dans mon texte. Ouais, ça a pas l'air très ragoûtant quand même. Non. Hein? La panse, c'est l'estomac. Oui. J'ai dit quoi? T'as dit des... Ah, j'ai dit le ventre, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, l'estomac. Oui, l'estomac, effectivement, donc c'est encore moins ragoûtant. du coup, oui, il y a des morceaux de tripes de veau avec des petits morceaux de panse. Ouais. Tout ça, hop, tu le mélanges dans une pancette de mouton. Donc un c'est encore un estomac de mouton? Ouais, et souvent d'agneau, parce que pancette, c'est ce qu'il y a écrit. Donc, un petit estomac d'agneau, très mignon. Donc t'as pris un agneau et attends, tu l'as mis dans un veau. T'as pris des morceaux d'un estomac. T'as pris des morceaux d'intestin de veau. Oui. Tu as pris des morceaux de son estomac aussi. Oui. Tu les as mélangés. De l'estomac. Pour les mettre dans un estomac d'agneau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attaché avec des boyaux, des ficelles. Ça me rappelle le coup du phoque tout à l'heure. Bah ouais. Mais qui? Et après, tu peux mettre dans l'estomac. Qui s'est dit, attends, si ça se trouve, ils le mettent dans l'estomac de l'agneau vivant? Qui s'est dit, tiens, je vais mettre du veau dans de l'agneau? Je sais pas. Puis surtout, c'est même pas les meilleures parties, quoi. C'est. L'estestin, tu sais, c'est genre le truc qui a le plus de bactéries dans le corps humain. Il a fait un bootleg. Ouais. un bootleg de deux merdes et il s'est dit ça va faire quelque chose de bien. Donc voilà, des tripous et bon, il doit faire cuire ça, j'imagine, hein, blanchi et tout. Ouais, c'est dégueulasse, quoi. J'ai pas testé ça pour le coup. Autant les escargots et les cuisses de grenouilles, mais alors les tripous, non. Mais je trouve le nom mignon en tout cas, moi. Oui, par contre, au niveau de là, tu parlais des intestins de veau. Ouais. Il faut savoir que l'intestin de veau, le gros intestin, est recouvert d'une fine couche de viande qu'on appelle de la fraise. Alors, c'est pas de la fraise, le fruit. C'est non, dommage. Ils ont appelé ça parce que c'était une gourmandise. Ça se passe comment? Franchement, c'est une réelle gourmandise. Moi, quand j'en trouve, j'en prends. Et franchement, ça c'est. D'accord. Tu prends que la fraise, en fait, que le tour. Voilà, ouais. D'accord. Ma foi. Bah voilà, ça en faisait trois. Si vous voulez, il y a un petit dernier aussi que je trouve particulièrement dégueulasse. C'est le pied de veau. Ah oui. Ah ouais, c'est pas bon. Ah ouais, ça... Bah le pied de n'importe quoi. T'es déjà de manger le sabot de quelque encore, chose le pied de porc, ça je kiffe. Ouais, je suis pas fan. Mais le pied de veau. Et encore, parce que. Tu mets dans les tripes pour donner du goût, c'est tout. Bah tu le mets dans le ventre et après tu le fais cuire dans une poule. Parce que c'est logique. Mais le français est logique. Mais non, mais en plus il y a une recette particulière d'un patelin en France, je sais plus. Enfin, il porte le nom du village, hein, donc c'est le pied de peau de je ne sais plus où. Ouais. eux, ils le font paner, le pied de porc, ils le font cuire et paner. Ouais. Et du coup, l'os, quand ils l'ont fait cuire, ça, il devient fondant. Enfin, tu le manges avec. Ah, ouais, un os qui peut devenir fondant. Ouais, il mange l'os au pied, tu vois. Mais comment tu peux manger un pied s'il est pané, le mec? Je sais pas. Non, tu sais pas. Mais ça reste dans le domaine du dégueulasse et du pourquoi t'as fait ça. Ouais, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de choses, c'est pourquoi t'as fait ça. Pourquoi ouais. Ouais, clairement. Ouais. Autant, tu vois, la tarte à tin, c'était facile. C'était une tarte aux pommes renversée, un truc du genre. Mm. Là, autant ça, non. Le gars, il a recherché son truc. Il dit tiens, je vais faire cuire là-dedans. Tiens, je vais le mettre avec un peu de bison. Le cuistot, la nuit, qui, tu vois, dans son esprit, ça. Oh, je suis sûr que si. Et si je rajoutais un peu d'eau de Javel. Franchement, même je comprends pas, t'es toute blanche. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que les expériences qu'on dû foirer aussi. Mais ouais, non, ouais. En inventant des choses franchement. Comme ça. Bon, on va partir en Afrique du Sud dans un instant avec toi, Daniel. Parce qu'il y a aussi des choses cheloues là-bas. Et puis on a The Midnight avec des Deep Blue. Des choses très sympas, très curieuses, mais il y en a vraiment des bizarres. Bah ouais, comme partout. Deep Blue avance là pour la musique. C'est là où tout commence. C'est Indestar et c'est l'émission à la maison du lundi soir. Jusqu'à 23h. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Indestar, l'émission à la maison. C'est vrai que le mot rock'n'roll peut intervenir à n'importe quel moment de l'émission, je l'ai oublié. Hein. Mais il est là. Et ce soir, on parle nourriture aussi, on parle bouffe. Avec tous les pays du monde, la France, on a vu il y a un instant qu'il y avait des plats. Ah ouais, tu parles aussi. On parle sur une musique un petit peu suave. Ouais, pour un parler de trucs dégueulasses. C'est trop bien. Par exemple, non, mais c'est vrai que c'est, la musique qu'on a dessous là, si vous entendez en fond. Ouais. Ah ouais. On se met bien. On a Sébastien avec nous. Sébastien de Rennes. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Théo. Alors Sébastien, vous avez. Attends. Prends le temps. Oui. Ah, pardon. Savoure tes escargots. on part loin ce soir. Bon, on va partir loin, oui, on va partir en Afrique du Sud avec toi, Daniel, parce que en Afrique du Sud, comme ailleurs, il y a des plats qui sont sympas. Et, Daniel. Et d'autres plats qui sont moins sympas. C'est pour toi, Daniel. Dépendant, Sébastien de Rennes. Répondant à Sébastien de Rennes. Nous t'écoutons, quoi, Daniel. Bien. Alors, Daniel, il est parti en Afrique du Sud. C'est bien. En Afrique du Sud, au lieu de voyager partout, les gens qui sont venus, les Anglais, les Néerlandais, les Indiens, les Malais, les Français, les Zoulous, non, eux, ils étaient déjà sur place. Ils n'ont pas eu besoin de venir. On a mélangé tout ça. Ça donne des trucs super bien. Checker. Sébastien Doren a tout mélangé, hein. En mélangeant, oui. Ah, j'ai oublié le mixeur, on aurait pu mettre le mixeur. Parce que c'est rock'n'roll, le mixeur. Ouais, et c'est un peu mort. Alors, l'Afrique du Sud, ils mangent beaucoup de viande, alors. Et surtout parce qu'on met avec. Oui. Qui peut être surprenant. L'accompagnement. Ils préparent, par exemple, quand ils font des treks, une viande qui s'appelle le biltong. Alors, toujours pareil. Je connais pas cet animal. Les prononciations, je sais pas si elles sont bonnes. Ouais. Donc, c'est plus souvent préparé avec de la viande de bœuf, mais ça peut être aussi de l'autruche, du springbok. C'est dégueulasse l'autruche. Etc. Et c'est. Ça peut être conservé. Alors, mais du vinaigre, du sel, et puis on peut l'assaisonner avec. De la viande conservée au vinaigre? Vraiment? Oui, voilà, oui. Alors, du bicarbonate, même. Et on met même du salpêtre, parce que le salpêtre, pour la conservation. C'est quoi, c'est de la cendre? Non, salpêtre, c'est le rejet des. Humide des pierres, là. Enfin, c'est. On en trouve sur les parois de nos caves chez nous. Ouais. Par exemple. La moisissure? Oui, enfin, c'est une sorte. C'est pas de la moisissure, non, c'est autre chose. Du salpêtre, voilà. C'est du salpêtre. Merci. Alors, on prépare aussi. Alors, ils mangent beaucoup de chutney. Mm-hmm. Le vin. Chutney, c'est un accompagnement. Alors, on le connaît surtout pour être anglais. En fait, les Anglais, ils avaient un empire colonial énorme, et ça vient plus de la cuisine indienne et pakistanaise. Ah ouais, pour moi, c'était anglais, effectivement, le chutney. Ouais. Voilà. Et eux, alors en Afrique du Sud, évidemment, on l'aromatise avec tout ce qu'on a sur place. Alors, c'est-à-dire, ça peut être noix de coco, tomate. du tamarin qui est un fruit tropical, de la mangue. Alors si on met de la mangue, on le fait avec les fruits verts non pelés. Pourquoi ? Mais la peau est fruit vert, alors je te dis pas pour couper ça. Hein. Ouais. Ah bah... ça se coupe comme... Attends, est-ce que j'ai un exemple ? Non. Non, non, comme un morceau de bois qui est un peu dur, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le meilleur exemple. Voilà. Ils mettent, alors ce qu'on appelle aussi du fénugrec. Fénugrec. Ah, c'est pas un grec qu'on a mis dedans. Le fémur du grec. Voilà. Et ça ressemble un peu au trèfle. Ils utilisent aussi. Ils mangent des trèfles. Oui, au trèfle. Pas la carte de trèfle, le jeu de cartes. Hein, non, non, métal, non. Hein. Là, c'est le trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Mais... Voilà. Ça. Et ils mettent aussi alors un petit truc. Alors, on connaît le pavot, nous, chez nous. Ouais. La fleur de pavot. C'est une propriété. Voilà, avec les graines qu'on peut manger. Si elles sont pas travaillées, on peut les manger. Il n'y a pas de souci. Il faut faire juste attention, c'est un peu une drogue. On consomme de trop, mais ouais. Si tu manges que quelques graines grillées, ça pose pas de problème. Oh, ils ont un truc qui s'appelle l'as fétide. Le nas fétide, hein, ça n'a rien à voir. C'est naze. Ça peut être, c'est un genre de gomme résine qui peut être justement utilisé comme drogue végétale ou aussi chez eux un condiment. C'est de la drogue bio ? Faut y penser, les gars. C'est de la drogue. Voilà. C'est pas. Certifié bio et équitable. Hein. N'est-ce pas, hein ? N'est-ce pas ? Totalement. Mais c'est formidable. Oui. On est posé là, on est bien avec notre gomme de je ne sais quoi. Ça se sent, ouais. Ça se sent dans l'ambiance. C'est vrai que Daniel, tu n'entends pas toi la musique de fond, mais c'est ouais, on est en pleine confidence pour confidence là. Alors ils ont un truc, ça s'appelle le bobo tea, bobo si, le bobo quelque chose. Hein. Le bobo. Et un pain de viande hachée avec des raisins secs. Ah, j'aimerais bien, moi. J'en étais sûr qu'il y aurait une réaction. Mais oui, ça. Attends, non, mais j'imagine le truc pain, viande hachée, raisin sec, quoi. Il n'y a pas pain. C'est un pain de viande hachée, ça veut pas dire que c'est du pain. Ah. Ah, on va voir. Je veux dire que c'est un morceau de viande. Il y a du pain pour Teddy, et puis le reste pour Théo. Hein, et ça s'est servi avec une sauce à base de piment, il y a des bananes, encore du chutney. Ah oui, tiens, ils mettent de la marjolaine aussi. Ils ont mis Marjo dedans. Ils savaient pas quoi en foutre de marjolaine, Aléa. Dans le ragoût. Non, mais j'imagine. Si vous cherchez Marjo, à faire d'accompagnement, à vite rechercher. J'imagine le plat depuis tout à l'heure, et puis là, bah, ma femme, on voulait divorcer. On la fout dedans. Ah bah, là-bas, c'est facile hein, pour divorcer. Tu la bouffes, c'est réglé. T'es marié à vie. C'est fini. Et où Marjo attend. Oh là là. Pardon. Non. On retrouve, je vous parlais des influences néerlandaises, parce que bah, les bourgs, les africaneurs, ce sont les néerlandais, les bourgs. Je vous raconte pas les bourgs. Deux. Ils ont la, alors, dans la prononciation, suivant d'où on vient, on dit la fricadelle ou la fricandelle. Donc, des boulettes de viande épicées aux oignons. J'aime bien. Historiquement, c'est justement du Benelux. Ça implique quelque chose en plus. D'accord. Mmh. Oui, c'est connu aussi par chez nous. On en a par chez nous de la fricadelle. Et alors, chez nous, c'est plus une saucisse. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah. On l'a fait à la française. Dans la forme qu'on veut, finalement. Ouais. Voilà. On va avoir aussi une petite pensée pour Teddy. Avec le Malamo Godou. Ah ouais, ouais ça me parle tout de suite. Le Malago Voodoo. C'est quoi leur pain au chocolat là ? Un plat de tripes. Ah, à la mettre deux camps. C'est pour ça. Ah, eux aussi, ils mangent tout et n'importe quoi. C'est connu. Ah ouais. Pas de gâchis. Servi avec du pape. Hein. Le pape. Le pape. Ah, du pape. Pape. Okay. Le pain du pape. Parce que personne ne le sait, pape, mais il est boulanger. Un porridge. Base de maïs moulu. Et il y a des épinards. D'accord. Ah, non, en fait, là, Théo, on l'a perdu parce qu'il avait l'image du pape en train de faire du pain, boulanger à ses heures perdues, entre deux messes. le pape qui a... Non, mais je vois le pape à la boulangerie qui accueille les clients en vue. Amen. Tiens, ce pain est béni. Multiplie-le si tu veux. Pour... Si tu en achètes deux, les multiplier par 1,5, du coup t'en as 3. Quand il fait sa tournée avec la papa mobile. Ceci est ton pain. La papa mobile blindée, tu sais. Bon, voilà, voilà. On va passer sur d'autres choses un peu moins, ah ouais, parce... un peu moins habituelles, par exemple, surtout pour nous. On mange aussi beaucoup de crocodiles. Ah oui, c'est vrai que c'est chez nous, on les porte, les crocodiles, encore, avec la cosse. Mais... Figure-toi que je connais quelqu'un qui, connaît qui quelqu'un en a mangé. Du crocodile ? Ouais. Ouais. Et c'est nos chers amis d'Uzva, enfin anciennement d'Uzva. Ah oui ? Ouais, ils ont mangé là-bas, enfin chez le président d'Uzva, ils ont mangé du crocodile. Ah, il y en a qui ont tourné de l'œil. Mais attends, très bon apparemment. Donc c'était chez Thomas. Thomas avait du crocodile chez lui ? Pourquoi ? Je sais pas. Parce que comment tu... Je sais pas. Comment tu fais pour avoir du crocodile en France ? C'est compliqué. La viande d'exportation, j'imagine. Mais bon, il y a plein de trucs exportés chez nous. Je sais pas, la plupart des fruits que tu manges, c'est des fruits d'Espagne. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais c'est juste que du crocodile, moi, j'en ai jamais vu en supermarché. En ce moment, ça doit pas se trouver partout. Moi, j'ai vu du cheval en supermarché, mais pas du crocodile. Ça doit pas se trouver partout. C'est peut-être du crocodile d'Espagne, alors il vient avec lui. Mais oui, forcément. C'est logique. Si tu vois le crocodile, dire ah, ça garde la famille. C'est que l'espagnol. Ah bah c'était une cathédrale. Alors, mais bon. Ouais, ouais. Faut manger n'importe quoi sur le crocodile, hein. Bah apparemment seule la queue est comestible. Ah, seule la queue est comestible. Ah, y a pas d'autres muscles, parce que bon, y a des muscles quoi sur un crocodile. Les pattes. Ouais, les pattes. Ouais. Mais genre le ventre, ça. Au niveau se du pas. Cou, je dirais qu'il y a des muscles aussi. A priori, non. Partout, j'ai ah, mis y un y peu du gâchis, pour essayer de trouver des infos. Et partout, on m'a dit. Oh, ne mange que la queue. Le grand chaman. Ne mange que la queue parce que la musique, Daniel, non. Tu ne mangeras que la queue du crocodile. Mange que crocodile parce que queue repousse. Il y a un problème. On m'a pas dit quelle queue. Hein. Non, oui, en plus. On n'a pas précisé. Parce mais que manger un roubignol du crocodile, c'est comme manger un roubignol du taureau. Hein. C'est pas forcément le plus. La même chose. Et ça repousse pas au passage. Hein. Je précise. Dans les poissons, ils ont quelque chose d'un petit peu curieux. Alors, tu vas me dire en même temps, vous allez me dire, c'est du sucré salé. Ils font ce qu'ils appellent, alors, jasmourdovist. Ouais. Morue salée avec des pommes de terre et apparemment souvent servi avec de la confiture d'abricot. C'est allemand ton truc ou pas ? Non, c'est Afrique du Sud. Il y a l'influence néerlandaise. Non, mais le nom, c'est en allemand en fait. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, la morue, moi je pensais au Portugal, moi. Portugal ! C'est chez moi, mais pas avec la confiture d'abricot. En fait, Daniel a commencé par dire du poisson et après sucré salé. Je dis quoi ? D'où tu mets du sucre déjà dans du poisson ? Voilà. C'est-à-dire, tu vois, les Portugais, ils ont une centaine de recettes de morue différentes, mais ils sont pas allés jusqu'à mettre de la confiture d'abricot avec. Quoi. Oh, ils en ont peut-être une avec du sucré salé. Hein. Peut-être pas d'abricot parce qu'ils ont peut-être pas d'abricot, mais. Je sais pas, je connais pas de. Bon, après, je connais pas toutes les recettes de moi. Tu pourras peut-être essayer dans ce cas, tu leur feras une suggestion. Peut-être dans la confiture de tomate. Ah bah ouais, tomate, ça peut, mais la tomate, c'est pas sucré. Ah, la confiture de tomate verte, si. Je peux t'assurer que c'est tout sauf salé. Ouais. D'accord. Mais bon. Entre parenthèses, tu peux faire aussi de la confiture avec les tomates rouges. Hein. Oui, mais c'est moins bon. À faire de goût. Faut amener un autre parfum. Ouais. Moi j'aime bien celle de tomate verte parce que c'est bien sucré et que c'est bah ça ressemble à du fruit en fait. Clairement. Bah tu vois. Oui, c'est catégorisé comme un fruit. Je sais. Tu préfères là ? J'aime pas la confiture de tomate verte. Ah bah chais. Oui. De tomate verte, voilà. Ah mais là on non, on n'est pas quitte parce que c'est comme si tu me disais tu préfères les bourgognes et moi je préfère les bigorneaux, tu vois. Et les couleurs. Non. C'est non tout court. En Bourgogne, ça dépend quoi, hein. Il y a pas que les escargots en Bourgogne, hein. Non, mais le Bourgogne c'est moi aussi, hein. Bah, c'est pas mauvais, hein. Peu cher. À consommer avec Jolan. Oui. Bon, avec moi tout de suite. En terrasse le dimanche, on a compris. Exactement. Exactement. Ils ont aussi des spécialités. Oh, je vais vous sortir quand même un légume, quand même. Hein. Oui. Ils font par exemple alors l'isitudu. Quoi ? L'histoire de pape encore là. Bah les itudu quand même. Ça c'est rouge, ils mélangent tout. Ils font aussi des beignets de potiron. Ouais, ça c'est très français. Quand ils ont pas de farine, ils mettent que des potirons ou de la patate douce. Hein. Non, ça va, ils sont pas trop chiens. Oh, bah c'est bien, c'est vrai que patates douces, ils en mangent beaucoup là-bas. Ah ouais ? Moi, c'est un truc de chez moi, ça. Enfin, moi, j'aime bien en faire à la maison, maintenant que je sais éplucher. Et parce que... plus de problème de oui, bon, bah, j'ai mis plus de 30 ans avant de savoir éplucher une patate, ça va. Mais maintenant que j'ai suivi des tutos sur YouTube et que j'arrive à éplucher des patates, et ben j'aime bien faire des patates douces. Ben voilà. T'as vraiment suivi des tutos sur YouTube ? Oui. Non, ouais, putain. Bah, y'a pas de honte. Oh, y'a pas de honte, je sais pas, mais. C'est pas aussi catégorique. Merde. Hein. Mais on peut se foutre ta gueule un petit peu quand même. Ouais. Il nous rate pas hein, quand c'est nous. Alors, bah, je sais, vous avez le droit. Bon, allez, on va être sympa avant de passer à d'autres choses plus ou moins curieuses. J'en connais qui les épluchent avec leurs pieds. Hein. Ouais. Mais bon, passons. Alors, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de desserts à base de lait. Bah oui, parce que... J'en ai relevé un qui va faire plaisir à Théo, hein, qui s'appelle le Milk. Le Milk. J'aime bien. Je pensais que j'arrivais... Non, pas Dunkerque. Le Melkert. Hein ? Le quoi ? Le Melkert. Le Melkert ? Enfin, un truc comme ça. Ça passe pas par Melkertophone. Ça passe pas. Ça a l'air de compliqué. C'est une méga bonne offre. Mais bon... Et alors, il s'agit de quoi ? Alors, il s'agit... C'est une tarte à base de lait. Il y a une pâte sucrée, garnie d'une crème faite à partir de lait, farine, sucre et œufs. Ça a l'air comestible pour l'instant. Bah, il y a juste de lait et des œufs, alors pour moi c'est pas comestible, mais oui. Ouais. Alors ça te rappelle rien ce genre. Tu parlais de cuisine portugaise, ça te rappelle rien ? Si, les pastéis de nata. Ouais. La différence c'est que le rapport lait-œufs est pas le même. Ouais. Ça donne une texture plus légère que... En vrai, c'est pas genre juste un flan. Non, mais vraiment. C'est un flan low cost. Vraiment. Non, je vous assure. Mais non. L'appareil à flan, c'est la même chose. Des œufs, du lait. Et oui, alors, nous, on met de la poudre à flan. Mais en vrai, ça pourrait être de la fécule ou de la maïzena. T'as déjà mangé des pastéis de nata ? Non, je sais pas ce que bon, c'est. Bah voilà. Mais justement, ça ressemble à un flan ce que vous me décrivez. Je peux pas critiquer. C'est un genre de flan, effectivement. C'est juste un flan low cost. Non, c'est pas low cost. Ah là là là. T'as tous les Portugais qui nous écoutent là, ouais. Défendez-vous. Votre flan low cost là, pour non, le garder. Non, mais je peux pas, moi je. Ah. Mais en fait, je peux pas parce que moi je supporte pas le flan. Mais c'est la texture parce que le lait et les œufs, moi ça me fait vomir. Voilà. Ils ont un espèce de flan sans œufs, sans lait. Mais cela dit, c'est super bon les pastéis de nata. Je peux en manger un quart. Voilà. Parce que. S'il vous plaît. Oui. Chers amis, s'il vous plaît, faites un flan sans lait et sans œufs pour Théo qui est sans farine. Ça va être compliqué. Bah, bonne chance. Ça va être compliqué, c'est un défi à relever, ouais. Faites du lait sans lait, s'il vous plaît. J'ai aussi un autre. Ils ont beaucoup de desserts d'ailleurs à base de lait. Mmh. J'en ai relevé un. Ah, donc lait, farine, beurre. Et sucre, encore parce que cannelle. Tu dis lait, mais c'est pas du lait de vache. Ça, c'est du lait. On s'en fout, tu prends du lait de ce que t'as, hein, au chipot de pain. Hein. Du lait de soja. Aussi, j'en sais rien. Non, je suis pas au courant, là, j'ai pas. D'accord. Qui récupère le lait avant de zigouiller le crocodile, je sais pas. Du lait de crocodile. Ah, ça existe pas, théoriquement. Ils mettent des spaghettis. Hein ? Ils font des nouilles ? Oui. Un dessert. Des nouilles dans le dessert ? Ils mettent des spaghettis avec le lait, la farine, le beurre, ils mettent de la cannelle pour le goût. Ouais, mais c'est peut-être parce que pour eux, c'est un dessert pour eux. C'est sucré alors en fait. Ils font des pâtes sucrées. Ouais. Hein ouais, et ils ont aussi un dessert hyper sucré apparemment qu'ils appellent le Coxister. Coxister ouais, peut-être que la sœur a fait quelque chose, j'en sais rien. Ouais. Pâte, bah attends, Coq Sisters ouais, c'est la sœur du coq, c'est la poule. N'allez pas taper ça sur internet. Vous allez tomber sur des sites pas très clean. Là, apparemment, c'est hyper sucré parce que c'est donc une pâte à beignet qui est enrobée. Alors, on l'a fait frire. Et après, c'est enrobé d'un sirop de canne, donc de sucre de canne. Apparemment, c'est collant, hyper sucré. Et le goût, par contre, ça se rapprocherait du miel, donc ça. Ouais, c'est riche en goût, riche en goût de sucre. Jolan a tapé sur internet. Il a tapé Coq Sister et il est parti dans le placard. Il est absorbé là. il se l'est marqué dans un coin, pensez à regarder Cock Sister. Favori. Alors, on va arriver sur le plus rigolo, le plus bizarre, comme vous voulez. Hein. Niveau du Cap, ils ont un sandwich qu'ils appellent le Gatsby. Gatsby. Bonjour, je voudrais un Gatsby. Alors, bon, déjà, le nom vient du roman Gatsby le Magnifique. Alors, j'ai pas eu le temps de trouver l'étymologie. Pourquoi ? C'était pas un autre qui s'appelait le Magnifique. Ce qui est rigolo, c'est qu'il l'appelle aussi le AK-47. Ah bah oui, évidemment. Le sandwich qui tue. Ils t'ont mis des balles dedans. Je n'en sais rien du tout. Alors là, j'ai absolument rien du tout trouvé là-dessus. C'est chelou quand même. Vraiment, ils sont nommés le AK-47. Hein. D'accord. Donc, si dans une boutique de street food en Afrique du Sud, on vous propose un AK-47... vous inquiétez pas. Vous pouvez dire oui sans trop de crainte. Au pire des cas, vous avez juste une arme. Ça peut servir dans d'autres pays d'Afrique. Voilà. Autrement, là, on arrive sur... peut-être que Teddy va aimer, je sais pas. Mazonza, je pense que l'on dit. M-A-S-H-O-N-Z-H-A. Ouais, trop de H. Ça fait fabriquer à partir d'une chenille, le ver mopane. Une vraie chenille ? Une vraie chenille, oui. Ah, j'ai senti un silence là. Mais non, mais t'as senti un silence pesant de réflexion. Non, c'est-à-dire que est-ce que quand on consomme le dessert, ça s'est pas transformé en papillon ? Et auquel cas, t'es dit, ça lui ferait peur, tu vois. C'est pour ça que je me dis. C'est bien une chenille, donc le ver mopane. Ouais. Et voilà, c'est apparemment beaucoup de gens, même au-delà de l'Afrique du Sud, c'est une friandise, a priori, c'est une réelle friandise. Tu veux des bonbons ou une chenille ? Oui, une chenille. Ah, je préférerais une chenille aujourd'hui. Parce que nous, on fait la guerre. Ouais, chenille, c'est comme dans Koh-Lanta, hein, c'est pas très appétissant. T'as un truc qui glic, glic. Ouais. Tu la vois encore vivante, tu sais. Dans le genre appétissant, vous avez le samp. Le sample ? Le samp. Ah, le samp. Le samp. Ce sont des grains de maïs séchés, mais va savoir pourquoi, ils sont foulés aux pieds. Ah bon, et pourquoi aux pieds ? Parce qu'il est foulé aux pieds. Je sais pas, peut-être que pour l'honneur, je sais pas, j'en sais rien, peut-être pour parfumer, je sais pas. Mais que ce soit, il est foulé aux pieds. Un petit goût de poussière. Mais il n'y a rien d'autre, c'est juste des grains de maïs écrasés en fait. Mais aux pieds. Voilà, oui. Okay. Il y a des haricots, si on met des haricots avec. Ouais, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Et ça, c'est une friandise dans aussi. Dans le... Ouais, c'est... Priori, friandise. C'est leur Smarties, quoi. Mais attends, t'as déjà essayé d'écraser un grain de maïs à la main ? Laisse tomber, c'est super dur. Ah, mais j'ai... Enfin, même aux pieds, hein. Ah, mais oui, j'ai c'est comme marcher sur un Lego, hein. C'est... J'avoue que je faisais pas la référence, mais... Tu vas pas en faire une cassonade, hein. C'est Space. Alors, là, par contre, je vous demander, alors là, pour bien que vous entendiez, là, faut vraiment m'écouter. Ils ont une sauce qu'ils appellent la sauce à la glande de singe. Ah bah, alors, on l'a bien écouté. Et bizarrement, on croit savoir ce que c'est. Tu vois. Ah, allez-y, j'attends vos réponses. Oh bah, du jus de couille de singe. Allez, dis dans la finesse. Non, perdu. Alors, en fait... Absolument rien de singe dedans. Ah, y'a rien de singe. Ah. Ah, bah attends, c'est peut-être pire parce que du coup, c'est les glandes de qui ? Justement, il y a une anecdote là-dessus. Depuis plus de 100 ans. C'est Marjolaine, la peur des singes. Le plus grand salon d'Afrique australe. C'est les glandes de Marjolaine. De l'Afrique. Ça s'appelle le Rand Easter Show. Ouais. Et toutes les années, l'année qui nous concerne en 1936. À la fin du spectacle, le chef est invité toujours à créer un plat signature, donc son plat à lui. Mmh. Moi, j'ai tapé glande de singe sur Google et je tombe sur des boissons alcoolisées. Et il a composé une sauce à base de soja, moutarde, Worcestershire, ketchup, vin, enfin, il y avait plein de trucs. Les gens n'ont pas apprécié, ils ont trouvé ça dégueulasse. Oui, et il s'est dit, on va continuer. Voilà, et donc, en gros, il a dit « dire que j'ai fait quelque chose pour ces singes », en parlant de ses patrons. Ah ouais, ok. Voilà, et de là, la sauce aux glandes de singes. D'accord. Mais à quel moment, quand tu composes quelque chose, enfin plein, une sauce, ce que tu veux, et que les gens trouvent ça dégueulasse, que tu te dis « ouais, c'est cool, on continue ?» Lui, il devait trouver ça bon, mais les gens... Ah, c'est comme nous, c'est. Puis c'est en Afrique qu'on trouve ça. En Afrique du Sud. On trouve du saumon en Afrique du Sud. Les escargots. Oui. Oui, ah, mais autant des escargots, ça me choquerait pas d'en trouver en Afrique. Ouais. Teddy, il aime pas les escargots, alors lui, il doit pouvoir se dire, mais pourquoi il continue à en manger? Bah, c'est le même problème. Ouais, non, mais je comprends, mais c'est que si tu t'as un produit, tu fais un produit, tu le soumets à un panel et ton panel déteste ça, tu dis pas, ouais, mais c'est quand même une vachement bonne idée, quoi. Mais ton panel ne donne pas un nom et n'en fait pas une spécialité locale. C'est. Et puis même, je comprends pas, d'où tu mets du soja, du vin et tout ça? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? C'est dans le fond de la réserve. Ouais, dans le fond de la réserve. C'est le fond de la cuve. Ah bon. Tiens, ça me rappelle une petite histoire. Ah. Père un Daniel, raconte-nous ça. Oui. Dont je citerai pas l'endroit. Le boulanger, donc, lui, avait l'habitude de faire vraiment cuire, hyper cuire le pain. Ouais. C'était à une période où les gens voulaient du pain pas cuit. Mm-hmm. Ouais. Donc, la boulangère, qui était entre autres aussi la femme du boulanger, une fois en sortant, donc je les ai entendus, ils s'engueulaient avec le boulanger, elle lui dit, écoute, j'en ai marre, tu fais trop cuire le pain, les gens veulent du pain pas cuit. Mm-hmm. Le boulanger a répondu, mais de toute façon, du pain pas cuit, c'est pas du vrai pain, je ferai jamais du pain pas cuit. Et ben voilà. Ah, c'est arrêté là l'histoire. Non, résultat, 6 mois après, il fermait la boutique. Hein. Mais, tu vois, il faut pas trop s'entêter dans la vie. Faut répondre aussi à la demande du public. C'est quand tu as un panel et que tout le monde déteste ça, bah peut-être que les gens sont pas prêts. Voilà. Ou pas prêts ou que ton idée n'est pas bonne. Faut l'admettre aussi. Ouais. Bon, j'ai encore quelques bricoles. On va penser à Teddy avec le pain. Ils font du pain de maïs qui est cuit au four avec du maïs doux. Ouais. Ils ont un pain aussi qui est cuit à la cocotte. Ah ouais? Pas cuit dans une poule quand même. La pauvre. Ah, on sait jamais maintenant, avec tout ce qu'on a écouté de tordu aujourd'hui, un pain cuit dans une poule, ça m'étonnerait pas du tout. Non, mais du pain à la cocotte, ouais, ça m'étonne pas des masses. Tu mets un peu d'eau dedans et ouais, ça permet de conserver et de faire, comment dire, comme dans un four au final. Ouais. Il y a quand même une pratique un peu particulière. Il faut le cuire sur les pierres qui sont dans la cocotte. Ouais. Okay, ouais. Ouais, c'est pas con, parce que comme ça touche pas l'eau, ouais, ça me paraît logique. Parce que voilà. Je pense qu'ils mettent de l'eau aussi, hein, clairement. Ah, au fond, ouais. Bah, je pense, oui. Pour faire de la buée, comme ça, ça fait de la croûte. Parce que si vous voulez. Sans eau, oui. Petit tuto ce soir, boulangerie. Ah, tuto boulangerie. Pour faire du pain chez soi quand on n'a pas. Quand on a un four tout con. Je sais, machine à pain. Alors non. Totalement non. Bah quand même. Les machines à pain, généralement, ça fait pas du pain, ça fait plus du pain de mie. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a de la croûte dans le pain. Il y a de la croûte sur le pain de mie. Ça fait plus du pain de mie que du pain. Par contre, vous pouvez faire de la pâte à pain et la mettre au four. Par contre, vous aurez toujours le problème de la couleur et de la croûte. Parce que dans un four à pain, nous, on a ce qu'on appelle des injecteurs de buée. Et ça met de la buée. Mmh. Et dans votre four, c'est pas de la merde, c'est qu'il y en a pas. Hein. En voiture, t'as un désembuage. Ouais. Et dans un four, t'as un embuage. Quoi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un plat en dessous de votre pain. Votre pain, vous le mettez en haut, et vous mettez un petit plat avec de l'eau. Mmh. Et ça devrait faire de la buée. Et vous pouvez aussi badigeonner votre pâte avant de mettre au four de l'eau dessus. D'accord. Juste avant de mettre au four. Ça s'appelle un bain-marie. Ah non. Non, c'est plus cuit à la vapeur pour le coup. Si tu cherches par là. Mais faut pas mettre trop d'eau, faut pas mettre pas assez d'eau. Parce que le bain-marie, c'est l'eau qui chauffe. Oui, je... C'est comme dans un micro-ondes aussi. Pour faire réchauffer des plats, vous pouvez aussi remettre de l'eau, un verre d'eau. Ouais. Et ça évite que, par exemple, si vous faites cuire de la viande au micro-ondes, ça va éviter de la dessécher trop et ça va. Ah ouais, je pensais vraiment pas que ça marchait. Tu vois. T'es mauvais comme cuistot. Voilà, non, je plaisante. Je cuisine jamais au micro-ondes. La cuisine au micro-ondes, c'est pas de la vraie cuisine non plus. Hein. À part les pizzas. Les cuistots que je connais m'ont dit au micro-ondes, c'est pas de la vraie cuisine. Donc... C'était pas de la cuisine, c'était réchauffer un plat, j'ai dit. C'est bien pratique, mais. Chez toi, t'es pas cuistot, chez toi, tu réchauffes juste un truc. Désolé, hein. Oui, tu vas pas me dire que tu cuisines plus que chez toi qu'un boulot. Théoriquement. Ouais. Alors, j'ai encore deux, trois bricoles à voir. Alors, il y a les poissons. Alors, les poissons. Les deux. Ils boivent beaucoup de lait caillé. Alors, par exemple, nous en Bretagne, il y a le lait ribot, donc c'est pas. Ouais, c'est voilà. Oui. Autrement, ils ont deux poissons un peu curieuses. Le bobère. Pas le bobard, hein. Le bébé. C'est une poisson. Ce sont les c'est le Sandro Roger. Ah non, le bébé. Là. C'est le Sandro Robert, pardon. C'est le mari de Marjolaine. qui a retrouvé ses glandes. Pardon. Donc, on a tué Marjo, on a tué Robert. Oh putain. Oui. Oui, Daniel. On t'écoute, Daniel, même si on est complètement mort. On t'écoute. Oh, mais attends, moi aussi, ça devient dur pour un moment. Alors, c'est une boisson. Alors, écoutez, il y a plein de choses dedans. Hein. Donc, c'est à base de lait. D'un ingrédient qui s'appelle le sajou, qui est une fécule issue du tronc du sajoutier. Du beurre, des vermicelles, de la cardamome, de la cannelle, raisin sec. Il y a de l'eau de rose, peut-être, pour le goût. Putain, ils ont mis tout leur fond de placard. Le fond de la réserve, 5000 tchèques. Ça, c'est dans le placard, voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, t'es pas loin. Il y a le majeu. Voilà. Je dis à Théo, il est pas loin du milkshake. En fait, c'est même un truc assez épais et pas très liquide. Hein. Parce que la poudre de. Je connais pas l'art de lait. Mais... Alors, ouais, c'est ça. Ouais, ça. C'est pas loin du milkshake. Le majeux qui est une boisson fermentée à base de bouillie de maïs. Ah ouais, c'est certes. Enfin, et enfin, je vais terminer avec. On peut pas parler de l'Afrique du Sud sans parler. J'espère que je le prononce bien. Chez eux, c'est vraiment le truc national. Ils appellent ça le braai. Ah, oui. Le braai. On sent que Teddy connaît avec la réponse. J'ai déjà entendu ça quelque part. Bah, le braai, quoi, l'épaule. En fait, c'est le barbecue sud-africain. Ah ouais. C'est une pierre posée dans le désert. Donc, du barbecue, déjà, donc il y a une zone cuisson et une zone pour préparer les braises. Ouais. Le barbecue, alors. Les barbecues, ce sont les hommes qui s'en occupent, les femmes préparent l'accompagnement, c'est-à-dire des putain, ils sont comme les Européens, ces bâtards. Voilà. C'est les hommes qui s'occupent du barbecue. Ah ouais. Ça s'est cuisiné uniquement au barbecue. Chose importante, chaque fois qu'il y a un barbecue comme ça, il y a quelqu'un qui est nommé chef barbecue. Ah ouais, bah c'est comme en France. Hein. C'est ton barbecue, c'est chez toi, c'est toi le chef. Bouffitude extrême, c'est. Surtout, tu n'utilises jamais de charbon de bois, tu utilises toujours du bois. De charbon. Voilà. Non, et ça c'est bien parce qu'en vrai, le charbon de bois c'est réputé. Enfin, c'est pas que c'est réputé, c'est que c'est nocif le charbon de bois. Ouais, ça on a tendance à faire des barbecues au charbon de bois, mais c'est nocif pour la santé. Donc là, que ce soit avec du vrai bois, c'est mieux. Ouais. J'en fais jamais, ça fait moi tout 40 ans que je l'ai fait avec du bois et jamais de charbon. Ouais. Je me suis jamais posé la question parce que du charbon de bois pour moi c'est du bois qui a cuit. Non, puis, non, mais t'as du pétrole et tout. Oui, bon, des trucs achetés, on va dire, ouais. Du charbon de bois déjà acheté. Ouais, ouais. Parce non. Que je sais pas, moi quand je fais cuire dans ma cheminée, bah, y a forcément des restes de charbon. Ah, et oui, ça. Non, rien à voir. Ça fait du charbon. Non, je te bois. Parle, oui, des sacs de, que oui, tu déjà mets. Tout acheté. Ouais, d'accord, je comprends. Voilà, c'est pas bon. Ils ont mis autre chose que du bois. D'accord. Certes. Donc là, il faut surtout cuire de la viande. Alors ça peut être n'importe quoi, crocodile, antilope, lion, autruche, ou le lapin, n'importe quoi. Ce qui traînait, hein, ce qui courait dans la savane. dans la foule. Le chef barbecue doit savoir tout faire. Et éventuellement, un poisson, et un poisson local qui est fumé. D'accord. Ils ont gardé les meilleures parties de Marjo, c'est les pieds. Hein, on allume le barbecue. Ils ont coupé les glandes, par contre. Oh, pardon, Daniel, hein, parce que là, on a pété un. Il y a des fusibles qu'on sautait là. Non, mais dans nos têtes, en fait, il y a un couple. Il y a Marjolaine et Robert. Ils sont partis en Afrique il y a longtemps. Ils sont jamais revenus. Ah ben, et on entend parler d'eux à travers la cuisine. Parce que la famille attend, mais entre temps, ils ont mangé. Ils ont mangé des plats. Ils sont pas perçus qu'il y avait un peu de Marjolaine à l'intérieur. Voilà, voilà. C'est bien, vous avez compris qu'à travers tout ça, je vous ai raconté l'histoire de Bébert et Marjolaine. Oui, oui, exactement. Non, c'était. Attends, et avec Marjolaine, c'était une chanson de Dorothée, ça. Non, c'est Marie-Joëlle. Non, non. Ah, c'était Machin et Marjolaine. Et Marjolaine bon, je veux même pas le savoir. On retrouvera ça plus tard. C'était Nicolas et Marjolaine, je crois. Bon, je sais pas. En tout cas, de la musique, on en écoute maintenant parce qu'il y a le quiz qui arrive quand même pour terminer cette émission. Mais avant, imaginez qu'on ait pris Taylor Swift et qu'on lui ait fait faire un peu de reggaeton. C'est le côté c'est le côté un peu africain du truc ce soir. Donc vous prenez le dernier titre de Taylor Swift qui est tout calme, tout calme, qui s'appelle Willow, et j'adore ce titre, et on l'a mis à la sauce reggaeton. Enfin, c'est pas nous, hein, c'est Loneless sur Indestar avant le quiz pour terminer l'émission de ce soir, parce que là on a atteint les sommets. 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar, et ça ne s'arrête plus. 23h11, on est là sur Indestar et on entame le quiz de fin d'émission. Peut-être que d'ailleurs on aurait droit à un bête. Un bête quiz, yeah. Je me suis juste trompé de bête. Là, c'est la non mais tout de suite, tu vois, vas-y, remets l'autre. Oh yeah. Donc c'est l'heure du quiz hein, sur Indestar pour terminer cette émission. Émission qui va finir par le quiz où nous avons trois candidats ce soir. Tu vois, c'est pas le même nom. Ouais, ça donne pas le même ton. Ça hein, donne pas le même ton. Comme quoi, c'est important. Teddy contre Jolan contre Daniel. Cette question, c'est le principe du quiz. À chaque fois, il y a trois propositions de réponse, mais seule une de ces trois propositions est la bonne. Nous entamons donc cette question et à la fin nous comptons les points. Et souvent, c'est vrai que y en a certains qui sont. Je peux t'en faire, voilà. Non, personne ne voit. À consommer avec Jolan. mais le suspense est à son comble. Les dés sont jetés. Et vous pouvez jouer aussi à la maison. Parce que Jolan a gagné. Voilà, parce que Jolan peut gagner ce soir, sachant que nous allons parler cuisine. Faudrait faire un sondage avant toutes les émissions. Est-ce que Jolan va gagner? Non, mais alors. Taper 1. Alors, j'ai pas si ça serait une bonne idée. Mais là, on est d'accord qu'on va parler bouffe. Ça devrait aller. Non, mais t'as pris quand même la cote chez les bookmakers pour parler que Jolan. Attends, tu vas le faire dégringoler de plus haut encore. Attends. Qui a passé un diplôme dans la bouffe? Un diplôme? Qui a passé un diplôme? Moi. Alors Teddy, oui. Jolan, oui. Moi j'avais passé deux. Daniel, non. Ah non, moi je me contente de faire le jury, moi je mange. Donc voilà, on va dire que Teddy et Jolan sont avantagés. Mais, encore une fois, misez sur votre poulain. Premier... Le chocolat. Premier, ouais, pour le chocolat. Première question. Enfin, moi, vu la taille, c'est le cheval. Hein, je vous le dis. Quelle invention a découvert John Montagu en 1762? Est-ce la glace, le sandwich, le chewing gum? Tu vas me dire qu'il y a quelqu'un qui a découvert le sandwich, vraiment? John Montagu en 1762 a découvert la glace, le sandwich ou le chewing gum. À ton avis, Daniel? Sandwich. Pour toi, ça serait le sandwich. Ça peut pas être les autres. D'accord. Ça peut pas, parce que ça peut. Je suis sûr. Hein. Jolan, tu dis quoi? Je vais prendre le sandwich aussi. Que je vais manger après. Je rigole. Teddy, tu dis quoi? C'est pas l'ordure aigu que tu manges. Hein. Ça me paraît improbable, le sandwich, quand même. Tu bah dis, ouais, le gars, il a juste mis genre un morceau de salade et un truc entre deux tranches de pain et il s'est dit, tiens, j'ai trouvé un truc. 1700. 1762, ouais. C'est pas chez toi, bah, il mange du pain depuis bien plus longtemps que ça, et oui, je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a eu l'idée avant de mettre quelque chose dans son pain. Ouais. Alors, il y a la glace, le sandwich ou le chewing gum? En même temps, comme l'a dit Daniel, le chewing gum, c'est sûr que non, mais. Et la glace non plus. La glace, bah, sauf si c'est dans un pays. Africain, ils ont trouvé que c'était africain. Une mauvaise idée. Ça sonne pas trop italien, hein, Montagu. Hein. Montagu, pardon. J'ai pas dit italien, j'ai dit dans le nord. Ah, pardon. J'ai pas dit dans l'Italie. J'ai pas compris. Non, je suis le troupeau, je vais mettre sandwich. Le sandwich. Eh bien, c'était une bonne réponse. Ouais. C'était le sandwich. En fait, on raconte que c'est à cause de sa passion pour les jeux que John Montagu, quatrième comte de sandwich. C'est vrai, ça fait comme ça. Inventa en 1960 un plat qui lui permettait de manger sans avoir à quitter sa partie. Ça, c'est un geek en fait. Et, le mec s'est dit, je veux faire un petit sandwich. Mais c'est vrai que, genre, quand tu joues à un jeu, tout ça, tu vas pas t'emmerder à faire un grand plat. Tu fais un petit sandwich et tu continues. Non, mais attends, on va beaucoup plus loin que ça. Déjà, d'une, tu prends même pas un truc que tu dois préparer. Non. Tu prends un truc dans le frigo direct. Sandwich chauffé, quoi. Voilà. Oui, ça dépend. Mais en plus, c'est pratique à manger un sandwich. C'est entre deux tranches de pain et voilà. Mais justement, t'as pas de sauce. Il dit qu'il l'a inventé. Je suis sceptique là-dessus parce que je suis sûr qu'il y a un con qui s'est dit tiens, je vais mettre un peu de lait dans mon pain ou je ne sais quoi. Il en a pas fait parler, le mec d'avant, donc voilà. Bah ouais, mais. John. John, il a fait connaître à la populace. Ouais. En 2009, c'est tout récent. Et Gilles Cabon. Lauréat du concours Lépine. Cabon. L'autre il avait mauvais. Donc lauréat du concours Lépine, on en avait parlé hein, du concours Lépine. Et lui il a inventé un nouveau concept culinaire sur de la pomme de terre. Quel est-il? Est-ce le hot dog potatoes, le quick patates ou la tulle de pomme de terre? La tuile, pardon, de pomme de terre. Tulle, c'est François Hollande, ça n'a rien à voir. parce qu'il est originaire de Tulle, Teddy. C'est pour ça. C'est... D'accord. Bon alors, c'est le hot dog potatoes, le quing patates ou la tuile de pomme de terre, à ton avis, Teddy? T'as pas d'explication à donner pour chacune d'entre elles? Alors non, c'est du tout, c'est... Quing. Le quing patates. Le quing à même, peut-être. Quing, oui, quing. Et le premier, c'est quoi? Le hot dog. Hot dog potatoes, ouais. Ça, ça existe déjà, de toute façon. Donc, non, bah le Queen. Là, on est en 2009, hein. Ouais, bah le Queen. Le Queen. Ok. Parce que je suis désolé, patate fourrée avec de la viande et autre chose, ça existe déjà depuis X temps. Ok. Daniel. C'est quoi le troisième? La tuile de pomme de terre. Non, c'est le 2 alors. Le Queen Patate. Ouais, vous aimez bien. Si t'as une autre bonne réponse, elle est mauvaise, hein. Bah ouais, clairement. Je la note. La tuile de pomme de terre. La tuile de pomme de terre te parle. Ouais, mais c'est normal que ça te parle, c'est des chips. Mais. Non, mais vraiment. Je sais. Alors, non, c'est. Les chips, ça serait plutôt l'ardoise de pomme de terre. Ouais, mais les Pringles, c'est des tuiles. Et non, c'est vraiment les tuiles, ça existe déjà, bon, donc c'est pas ça. C'était Queen Patate, oui, effectivement, c'était la bonne réponse. T'es mauvais, Jolan. T'es mauvais, tu fais la mauvaise coton. Je vous donne le. Donc, littéralement, c'est le gâteau patate. Hein. Ah. Et je vous donne la recette 1 kg de pommes de terre, 450 g de farine, 200 g de beurre. Voilà pour les. Je les ai épluchés, les. T'as quoi, c'est tout? Non. Ah, 15 grammes de beurre pour le plat, un jaune d'œuf, du sel et du poivre. Voilà. Ah ouais, c'est pas loin. Oh putain, c'est dégueulasse. Gilles Cabon qui a également inventé la cuisine mobile professionnelle, je veux savoir. Mobile? Ouais, bah genre. Ouais. Enfin. Qui bouge? Ouais, qui bouge, oui. Waouh, il a mis des roulettes sur un four. C'est putain, le gars! Il est au fond, les gars! Sois pas jaloux, Teddy, sois pas jaloux. Jaloux? Ah si, tu l'es. Tiens, on parlait de chips tout à l'heure. Qui les a inventés, les chips? Est-ce que c'est George Crumb? Est-ce que c'est Sir John Montagu ou est-ce que c'est Léonard de Vinci? A ton avis, Teddy? Pourquoi tu dis moi en premier? J'sais c'est pas. Étonnant. Il a envie que je perde. Montagu, Léonard de Vinci et. George Crumb. George Crumb. Crumb, ouais. Parce qu'il a pas qu'inventé le Crumb. Il vient de me barrer un point. Jolan, tu dis quoi? George Crumb aussi. Ouais. Daniel? Daniel, il pense la même chose depuis le départ. Ouais. D'accord. Parce que Montaigu, ça serait un peu trop gros. Léonard de Vinci, il avait autre chose à mon avis. Je me suis dit, ouais, Léonard de Vinci, il a autre chose à foutre que de faire des... Des chips, ouais. Effectivement, c'était George Crumb. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que... Je vous raconte une petite histoire. C'était un cuisinier orgueilleux, en fait, George Crumb. Hein. Orgueilleux. Ouais, orgueilleux, tu vois, il aimait pas qu'on touche à sa nourriture. Ah. Il était cuistot dans un hôtel de Saratoga Spring, donc c'est aux États-Unis. Et on est en 1853, et il y a un client qui s'appelle Cornelius Vanderbilt qui vient manger au resto et qui renvoie à chaque fois ses frites en cuisine parce que pour lui, elle était pas coupée de manière assez fine à son goût. Sauf que notre cuisinier orgueilleux, voilà, il devient hyper en colère à un moment donné et il décide de donner une bonne leçon à ce monsieur. Donc il émince les pommes de terre en tranches hyper minces et il les fait frire dans de l'huile bouillante. Est-ce qu'il les rend encore plus minces? Ça fait des chips. Ça fait des chips surtout. Et il agrémente le tout d'une grosse poignée de sel. Et là, il renvoie ça au client en se disant, il va trouver ça dégueu, il va pester. Et sauf que là, à son grand étonnement, bah, le client a été ravi. Et les chips, donc les copeaux en traduction française, ont été inscrits après à la carte du restaurant. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Excellent. Ma foi. Par de la vengeance, quoi, au départ. Ouais. Bah, j'aurais blindé de sel pour le faire chier, c'est tout. Il y a des inventions comme ça, tu sais, des inventions des entreprises. Tu te rappelles quand on avait parlé, Jolan, de Lamborghini? Oui. Rien à voir, c'est des bagnoles, mais. Le tracteur, Lamborghini. Bah oui, le mec qui faisait des tracteurs et qui achetait des Ferrari, et un jour, le frustrait d'avoir sa Ferrari qui marche pas et que le mec de chez Ferrari lui dit non mais c'est parce que vous savez pas la faire marcher. Le mec est rentré chez lui, il s'est dit bon bah puisque c'est comme ça je vais faire une voiture, ouais. Et est né Lamborghini. Il y a des choses comme ça qui... Alors que disent les Japonais? Ça va te faire plaisir, ça, Teddy. Quand ils trinquent, ils disent pas chin chin. Non. Est-ce qu'ils disent itadakimamuzu? Alors attends, itadakimazu. Oula. Bouvonvit. C'est allemand ça. Ou Kampai. C'est allemand ça. Vraiment. Bon, bon, vite. Bon, quoi. Ils vont vite. C'est un français avec un accent. Mais c'est pas. Bon, vite. C'est dégueulasse. Je trouve ça que c'est allemand. Ou Kampai. À votre avis, je vais poser la question à Daniel. Il a déjà oublié. Allez, le 3, je vais être sympa, je vais pas te faire répéter. Kampai. Jolan. Je suis Daniel. Kampai. Teddy. Ils disent très peu, Enfin, ils font pas de chin, enfin, pas bah non, ils font pas de chin chin. Ça dépend. Oui, non, mais je veux dire, ils disent pas de bruit ou quoi que ce soit, ils trinquent pas forcément, mais c'est le dernier. Là, ils trinquent. C'est forcément le dernier pour le coup, sinon c'est trop long. Ils vont pas dire toute une phrase juste pour trinquer, faudrait être con. J'ai une anecdote, enfin, une anecdote que mon père m'avait racontée avec son travail, donc il travaillait à l'international. Et il avait signé avec des Japonais, me semble. Et du coup, il signait un gros contrat. Tout le monde était content et c'était l'apéro et tout. Et Kampai, tu sais. Ah, Kampai, hein. Ouais, il buvait bien, tu vois, les Japonais. Ouais. Et mon père, on va se calmer sur le Kampai un peu là parce que. On va se calmer sur la campagne, hein, parce que là, c'est. Il en fait plus, il arrive plus à les Japonais ont effectivement tendance à boire beaucoup. Quand ils sont contents. Oui, quand ils sont contents. Plus ils sont contents, plus ils boivent. Non, mais effectivement, c'était la bonne réponse, Kampai. Et c'est marrant parce que, en fait, oui, quand je lis la deuxième réponse, buvons vite. Mais c'est ce que t'as dit, hein, tu l'as pas inventé. Mais non, je l'ai pas inventé. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il faut dire Itadakamazu avant de manger. Il faut dire Gochizozama desita après avoir mangé. Et il faut dire Kampai quand tu trinques. Ça fait beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Avec l'accent, ça serait mieux. Ça serait beaucoup mieux. Sous quel... Désolé si vous êtes japonais. J'ai massacré la langue. J'ai massacré la langue, ouais. C'est sûr. Sous quel autre nom est également connu le kebab? Oula. Le babke. J'aurais dit le grec, moi. Là, hein. Le edari, le doner ou le turlu? En sachant qu'il y a des... Oh non, pas turlu. Turlu, moi, c'est autre chose. Attention. En sachant qu'il y a des points sur le O du doner et sur les U des turlures. Bah, ça peut tout changer dans la prononciation. Ce sont des prémats. Turlute, c'est un mot que j'emploie souvent dans mon vocabulaire, mais pour dire autre chose. Je la nomme. Je vais dire turlute. Mais pareil, turlute. Maintenant, quand je vais aller au kebab, je vais dire je vais aller au turlute. C'est pas turlute, c'est turlu. Je m'en fous. Je vais turlute. Oh là là là là, ça sent pas possible. Mais bonjour, je voudrais une turlute, s'il vous plaît, avec sauce blanche. Non, mais. Hey. On se calme, Teddy. C'est pas parce qu'il est 23h24, Teddy, con. Oh putain. Toi qui fais le malin. Ouais, attends. J'ai oublié la première. Edari. Eh ben c'est Edari. Edari. Ouais. C'est qui celui-là encore? Non mais c'est facile parce que ça sonne grec. Daniel. Oh. Le kebab c'est pas grec. C'est allemand, t'es con toi. Non, c'est pas allemand. Si. C'était fait en Allemagne le Québec. Le kebab. Pour moi c'est turc. Oui, ça sonne pas du tout allemand. Les kebabs ont été faits en Allemagne. Mais non, c'est l'hamburger. Non. On verra ça à la réponse. Mais je suis sûr que c'est pas turlu déjà. Bon, Daniel, c'est quoi la bonne réponse? Donneur. Donneur. Ah, merde. Ah oui, d'accord. Bon, c'était la bonne réponse, Donneur. C'est pas turlu. En fait, Donneur, si ça vient d'un dérivé du verbe tourner, donmak en turc, et en turc. C'est pas grec. Donc c'est un morceau. Non, c'est pas grec, c'est pas allemand non plus. Un morceau de viande de mouton, la plupart du temps, qui est disposé dans une broche et grillé et qui tourne pendant de longues heures, hein, comme on le sait. Parce que c'est la viande de kebab, c'est pas le sandwich, le kebab. Ouais. C'est la broche. Ouais. C'est pas par chez nous qu'ils mettent ça, qu'ils empilent de. Ils sont nous, les kebabs, ils sont bien sur les. D'origine. Oui. C'est pas les Allemands qui ont inventé la viande de kebab. Non, c'est pas allemand, on est turc là. Hein. C'est parce qu'on discute, nous, de l'origine. Je crois que c'est peut-être grec à l'origine, en vérité. Hein. Bah, peut-être. Ouais, enfin, c'est grec ou turc, mais c'est pas allemand, bon. Hein. Pas loin. Voilà. C'est dans ces eaux-là. Alors. C'est comme le cidre entre les Bretons et les Normands, c'est pas trop lequel a inventé. Oui, voilà. Alors qu'on sait que les Bretons ont été inventés par les Normands. Non, je plaisante. Avant-dernière question. Qu'est-ce qu'un gulac, à votre avis? Est-ce que c'est un torsadé à la pistache avec une crème aromatisée à la bière? Est-ce que c'est un gâteau de riz cuit au four? Ou est-ce que c'est une galette fourrée avec une crème aromatisée à l'eau de rose? À votre avis, Teddy? C'est quoi la première? Un torsadé à la pistache avec une crème aromatisée à la bière. un goulag. Goulag. T'aurais pas une petite précision à donner sur le goulag parce que c'est... Si, j'ai une précision sur le goulag. Il y a des petits points au-dessus du U. Je connais le goulag dans Warzone, mais pas le goulag. Alors, le goulag, c'est autre chose. Quel bâtard. Donc, attends, le premier, c'est une pâtisserie sucrée, pistache. Ouais. Aromatisée à la bière. Hein. Un gâteau de riz cuit au four à la deuxième et une galette fourrée avec une crème aromatisée à l'eau de rose pour la troisième. Oh non, ça, c'est ta connerie, l'eau de rose. Oh, c'est sûr. Non, la première. Attends, comment il balance ça? Ah ouais, non, je suis salaud. Mais Théo invente souvent des fausses réponses. Et c'est du coup, ça. À l'eau de rose, ouais, ça pue. Ça pue, hein. La merde. Ouais. Parce que l'eau de rose. Jolan, tu dis quoi? Je suis Teddy, moi. Tu suis Teddy. Pour l'eau de rose? Non. Daniel, tu dis quoi? Mais non. Je consomme beaucoup d'eau de rose, alors je vais dire l'eau de rose. Daniel dit l'eau comment de rose. Comment ça, tu consommes beaucoup d'eau de rose? Eh, hein, vous savez quoi? Il a raison. Il a raison. Non. Ah, les enfoirés! Ah, je suis bon! Je sais pas, j'ai jamais vu beaucoup de cuisine à l'eau de rose. Hein. Mais c'est une galette fourrée avec une crème aromatisée à l'eau de rose, c'est bulgare. Tu vas souvent en Bulgarie, t'es dit? Ah, bah non. Ouais. Bah voilà, tout est dit. Tout est dit. Mais comment ça, tu consommes beaucoup d'eau de rose, Daniel? Je vais pas dire. J'ai pas le droit de donner les vrais noms. Ah, il carbure à l'eau de rose avec toi. Il reste. Et Daniel, il reste une question. Pour l'instant, t'as tout juste. Ah hein. Oh, putain, le seul. C'est le seul qui a pas fait d'études dans la. Non, il a fait un sans faute là. Il a fait un sans faute pour l'instant. Ah, mais en même temps, ton quiz n'est pas forcément fait pour les étudiants de cuisine. Ah, bah il est fait pour tous ceux qui aiment la nourriture dans le monde. Oui, bah voilà. Dans, et Daniel aime peut-être plus la nourriture que nous. Surtout la nourriture du monde, comme tu viens de dire. On a étudié les méthodes françaises. Ah, bah les méthodes françaises, évidemment. Les escargots. Voilà. On termine par cette question. Trouvez l'intrus. Parmi ces différents termes. C'est Jolan, il a pas gagné. Putain, mais même quand il est pas là, il balance des trucs. Alors, trouvez l'intrus, on se concentre. El Santa, Amp, hein, ou Pajaro. El Santa, Amp ou Pajaro, Jolan. Amp, il a rien à foutre là-dedans. Quel est l'intrus? Amp. Amp, ouais. Ça n'a rien à foutre là-dedans. Ouais. Daniel. Amp. Amp. Teddy. Il a dit aussi Amp, Daniel. Oui. Oui. Pourquoi t'as dit ça? Il se sacrifie. El Santa, Amp ou Pajaro? Bon bah Amp. Ouais, on va suivre le troupeau. Hein. Il fallait pour cette question, ouais, suivre le troupeau, parce que oui, c'était Amp. En fait, Amp, c'est un morceau de bœuf long et plat, alors que les deux autres sont des variétés de fraises, donc absolument rien à voir. Mais considéré comme un appel, et on n'a pas des applauses, Teddy, là dans les sons. Je t'ai trouvé ça. Hein. Sinon, parce que là ça vaut le coup. Ça me fait 3 points, si j'ai bien compté. Oh, ça te fait plus que 3 points. T'as mal compté, ça fait. Ça te fait 4 points, Jolan. Voilà, je pars pas avec 0, c'est un bon début. C'est un bon début. Mais est-ce que. Ouais, enfin, c'est un bon début, mais je me dis, s'il fallait que tu passes des CAP à chaque fois qu'on fait un thème de quiz, ça serait plus compliqué. N'empêche que. Jolan, 4 points. Ça va. 3ème, mais avec les honneurs, puisque tu passes à la classe supérieure. 5 points pour Teddy. Certes. Et nous avons le sans faute de Daniel, 7 points sur 7. Bravo. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit, c'est un sans faute. Voilà. Sachant que Daniel avait réussi à faire un sans faute à 0 points. Et là, nous fait un sans faute à 7 points sur 7. Très très fort. Il est fort. Très très fort, Daniel. Bon, en tout cas, bravo. Vous avez été quand même pas mauvais sur ce quiz. Faut bien le reconnaître. C'est ce qui achève l'émission. Dans le sud, on dit on achève le plat. Ah. Et bien là, on achève l'émission. Nous, voilà. On achève des gens. Quoi? Il y a d'autres contrées, on achève des gens. Non. Ça, c'est en ire. Oh. En hommage à Robert. À Robert. Ah. Voilà. Robert et Marjo, si vous nous écoutez, on vous a achevé. Nous, c'est le coup. Et pour terminer, on écoute Elle danse de Matrax. Quant à nous, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi, je crois. On est lundi. Ouais, c'est ça, putain. Demain, c'est quel jour? Mardi. Eh ben, mardi. Après-demain, c'est quel jour? Vendredi. Alors, t'as sauté quelques jours. On révisera, Teddy, mais t'as raison pour écourter. On arrive directement vendredi. Et vendredi 21h, vous nous retrouvez avec une nouvelle émission. Comme ça, à la je maison. Vois pas la semaine passée. Et avec plein de belles choses. D'ici là, il y a de la musique à découvrir. Puisque c'est là où tout commence, c'est Indestar, des originales, des reprises et des mashups. et les podcasts de l'émission qui seront disponibles dès demain sur toutes les plateformes. On vous dit bonsoir, bonne nuit. Bonne nuit. Ciao à tous, salut Teddy. Ça y en a là, konnichiwa. J'ai cru que t'allais dire dans toutes les langues. Non, au revoir tout le monde. Je sais pas trop. Salut, salut Daniel. Salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.